Bienvenue sur Libéré sur Parole, ce soir avec Alain Benajam pour parler du mythe du Nord, du mythe en fait national, parce que ça concerne la France. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors, oui, mythe du Nord. Mythe du Nord, c'est un peu un fil rouge, mais en fait, on va parler de ce qui me pose question depuis un moment, qui est la croyance. La croyance. Avec un grand C, on va dire. Avec un grand C. Hein. Comment on arrive à croire en certaines choses et puis pas en d'autres. Et tout ça, c'est venu après le 11 septembre. Je me suis posé la question. Combien il y en a ? Il y a des gens qui ne croyaient pas du tout à cette histoire qui était complètement incroyable. Tu la voyais, tout de suite, tu la voyais, tu ne pouvais pas croire. Puis d'autres qui disaient, ben non, c'est vrai. Bon. Et j'ai écrit beaucoup d'articles, je crois qu'on en a aussi pas mal parlé. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais donc j'avance dans cette quête. D'ailleurs, j'ai écrit un long article, je vais peut-être même en faire un bouquin, sur cette croyance. Et quand on arrive à s'interroger sur la croyance, on en arrive au mythe. Voilà, au mythe. Quels sont les mythes, comment ils arrivent, et quelle est l'importance des mythes qui nous habitent et qui vont élaborer notre croyance en telle ou telle chose. Alors, comment tout ça, ça vient? Alors déjà, on peut voir que dans la parole, tel que l'on utilise pour échanger des informations, dans chaque mot, dans chaque étymologie, je viendrai sur quelques mots, je reviendrai plus tard, il y a derrière un mythe, les mots ne sont pas venus comme ça, on les utilise de telle manière, et derrière chaque mythe, il y a une histoire. Hein, c'est-à-dire que un mot, le mot c'est une religion, c'est un dogme. Pourquoi je l'utilise comme ça et pourquoi tu le comprends comme ça, hein? Parce que c'est un dogme. Et c'est un dogme qui est partagé. Donc chaque langue a son corpus d'étymologie, de mots, de dogmes, qui permet de, quand je te dis, qui te permet de me comprendre. Bien sûr, oui. Hein, sinon, tu ne comprends pas ce que je dis. Voilà. Donc, tout ça, ça paraît un peu idiot, mais c'est extrêmement fondamental. Alors, même si on utilise les mêmes mots, si tu veux, il n'est pas certain que les uns et les autres arrivent à se croire. Hein, parce que moi, je te crois. Tu me racontes des trucs, je te crois. Oui, bien sûr. T'es pas obligé de me prouver, hein, comme les histoires de gaz, là, des preuves, et on a parlé beaucoup de preuves, et on voit bien que c'est des conneries, ces histoires de preuves. T'es pas obligé de me prouver qu'à chaque fois que tu vas me dire quelque chose. Oui, bah non. Ben non. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très, très compliqué. Tout le monde comprend bien que c'est compliqué. Donc, je te crois. Pourquoi je te crois ? Parce que j'ai confiance en toi. Mmh. Et donc, la croyance s'établit dans un cercle de confiance. Un cercle de confiance. J'ai mon cercle de confiance. Au-delà de mon cercle de confiance, ma croyance, elle ne marche plus. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Alors, il est bien évident que ce cercle de confiance s'établit au sein d'une conformité. C'est-à-dire que je vois en toi quelqu'un qui est proche de moi. Mmh. Tu vois, hein, tu es proche de moi. Alors, comment je sais que tu es proche de moi? Parce que on a des rites communs, on partage une religion commune. En fait, hein, des rites, c'est une religion. Donc, je vois que tu es comme moi. Déjà, tu es habillé comme moi. Et puis, donc, a priori, j'ai confiance. La confiance, je ne l'ai pas à quelqu'un qui est complètement différent, si tu veux, déjà, qui ne parle pas la même langue. En plus, si je vois un type dans la rue, à poil, avec une plume dans les fesses, en faisant faire « ouba, ouba, ouba », je dis « tiens, ce mec-là, il est barjot », même s'il est saint d'esprit, ouais. Si tu veux, tu vois. Hein? Bien sûr. Ouais. Donc, il y a l'aspect visuel dans la confiance que je vais accorder aux uns aux autres. Alors, il y a un aspect visuel, il y a un aspect idéologique, et il y a un aspect mythique, c'est-à-dire la croyance dans des mythes communs. Alors, tout ça fonctionnait très bien quand il y avait des religions, et ces religions étaient faites justement pour que il puisse y avoir une société au sein de laquelle les gens arrivent à échanger. Donc on va voir que dans la mythologie et même la théologie indo-européenne, la parole, le verbe est l'élément fondamental. Hein? Comme dit l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le verbe. Le Donc, commencement était le verbe. Comme disent les alchimistes, le début du monde, c'est un son, selon eux. Commencement était. Alors, il y a un peu une concurrence entre le Verbe et la lumière. Ah oui, parce que dans l'Ancien Testament, c'est « et la lumière fut Que fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. que la lumière soit et la lumière Et fut, là, voilà. voilà. Donc, au commencement, il y avait les ténèbres, et Dieu dit, mais il dit Dieu. Ah, quand même, il Ah, il dit dit quelque quelque chose. chose, donc c'est un son d'abord avant. Ah, Ah ouais, oui, c'est alors. vrai. Avant que. Ah, Il c'est dit un quelque son. Il chose, dit quelque et il chose. dit voilà, que la lumière soit, la lumière fut, et puis il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Mais au deuxième jour, il crée les astres, donc il crée le soleil après la lumière. On verra tout ça, pourquoi, comment que D'accord. c'est venu. Hein. Hein? Ouais. Parce Voilà. que ça veut Et dire que quand il a donc, créé le jour, il n'y avait pas de soleil. Donc comment? quand il a créé le jour, il n'y avait pas le soleil. Quand il a créé le jour, il n'y avait pas le soleil. C'est un peu bizarre, là. Non, mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons. D'accord. Mais si tu veux, le mythe fondamental sur lequel on va gloser, on va débattre, c'est l'identité entre le verbe et la lumière. Est-ce que mes paroles vous éclairent? Déjà, C'est dans la langue, c'est ça, dans ouais, la langue. ouais. Hein, c'est dans la langue. Ouais, on dit éclaire-moi de tes paroles, Voilà, éclaire-moi j'ai de ta essayé de vous pensée. éclairer, les amis. Et puis le Bon. mythe éclairé, en plus, ça rappelle, moi, ça, tout de suite, ça me fait penser au mythe de Prométhée, qui descend la lumière, et en fait, c'est la connaissance aux hommes, Oui, etc. la connaissance et la lumière. Alors la connaissance, c'est la même chose. Hein. Donc on voit que pour croire, il faut baigner dans une culture commune et une pratique commune. Donc on revient aussi au marxisme, on en revient à la dialectique, à toutes les philosophies de la praxis. Hein. C'est-à-dire que de la pratique et la culture, la pratique et l'idéologie, c'est la même chose, sont en rapport dialectique. Hein. Et en ethnoménologie, on dit qu'il y a pratique, idéologie et rapport de la pratique, c'est-à-dire qu'une idéologie, elle n'existe pas si elle est une pratique idéologie, c'est-à-dire une méthode, n'existe pas si elle n'est pas rapportée. Tu vois, si elle n'est pas rapportée, elle n'existe pas. Tu vois, tu peux avoir inventé n'importe quoi dans ta cave de fabuleux, tu as inventé la façon de transmuter le plomb en or. Mais si tu n'as pas rapporté la méthodologie à la société, c'est-à-dire que si cette méthode n'est pas sociale, ce qu'on appelle sociale, hein, elle n'est pas crue, alors toi tu vas dire, ah ouais, j'ai inventé la transmutation des métaux. Tu vas dire, là, ils vont tous te prendre pour un barjot. Voilà, c'est normal, hein. Voilà. Mais si tu rapportes la méthode et si un autre fait la même chose et un troisième fait la même chose, qui ah oui, moi j'ai réussi, donc la croyance méthode devient identique. Alors dans ce phénomène de croyance, il y a donc cet aspect social, hein, c'est-à-dire cet aspect partagé. Alors cette méthode partagée, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est cru par tout le monde. Hein? Quand Florence Parly a dit on a balancé 12 missiles, mais qu'on ne sait même pas s'ils sont partis, après on dit ah ben non, ils sont peut-être pas partis, ils sont peut-être partis. Du moment que ça passe à BFM TV, tac, c'est vrai. C'est vrai. Validé. Donc on n'en a rien à foutre que ça soit vrai ou faux. C'est Puis vrai. on pourrait faire des guerres comme ça. Comme la guerre bidon du bombardement sur la Syrie, complètement bidon, qui a détruit un bâtiment qui avait été d'ailleurs financé par la France, un centre de recherche. Voilà. Trump, il dit, on a balancé 110 missiles, ils sont tous arrivés sur l'objectif, hein, bien que les Russes ont montré qu'il y en avait qui n'étaient Bah, pas ils en ont atterris. intercepté plein, Que, voilà, mais on s'en fout! Du moment que c'est à BFM TV, c'est comme si c'était vrai. Donc on voit bien que la vérité scientifique n'a aucun rapport avec la vérité sociale. Hein? Voilà. On parlait des processions, des gens qui faisaient des processions pour faire tomber la pluie. Je ne sais pas si c'était avec toi. Non, c'était avec mon neveu Corse. Hein? Ou dans des endroits en Amérique. Centrale, si tu veux, les Indiens, ils dansent pour faire tomber la pluie. Non, ils dansent pour faire tomber la pluie, ils dansent. Ben oui, c'est Puis un connu, la jour, danse de la pluie. elle finit par arriver. Donc, il dit, vous voyez bien que ça marche. Et donc, il continue à danser pour faire tomber la pluie. Donc, le fait de danser pour faire tomber la pluie, c'est une méthode sociale qui marche. Elle marche socialement. Le fait qu'elle marche socialement, ça suffit. Si tu veux, tu vois, hein? C'est passé dans leur BFM TV à eux, les Indiens. Ça dit, ben voilà, ça marche, danser pour faire tomber la pluie, donc continue à danser pour faire tomber la pluie. Voilà. Donc, si tu veux, on voit bien que la véracité des faits n'a aucun rapport avec la croyance. Mais rien, rien, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et on verra que dans toute la mythologie, par exemple, les chrétiens croient en l'Immaculée Conception, et puis, donc qu'une vierge puisse enfanter, si tu veux, c'est un dogme fondamental qui, techniquement, est incroyable. Mais on verra que ce dogme de la vierge qui enfante d'un dieu, c'est un mythe qui existe chez les hindous. Krishna est né d'une vierge, Mitra chez les Iraniens est né d'une vierge, Dieu. Et le mythe de la vierge existe dans tous les panthéons indo-européens. Voilà. Le mythe de la vierge. Alors, oui, parce que Mitra, donc tu dis elle est née d'une vierge, donc Mitra, c'est une croyance plutôt orientale, Voilà, et qui... orientale et occidentale. Hein? Parce que si tu veux, bon là on saute des trucs, mais ça fait rien, on discute un peu à Oh, bâton rompu. ouais. On va voir déjà, on va passer le truc là de pour pourquoi le Nord, hein? Voilà, on va commencer. On va commencer par le début, parce que sinon on va pas s'en tirer. Tu vas me mettre Alors, dis-moi quelle vue. la première. Alors. Voilà. La première vue. La première vue. Voilà. Alors, ça commence, parce que sinon on va plus s'y retrouver, avec le cycle de Milankovitch. Je ne sais pas si vous allez le Alors, voir. attends. Le cycle de Milankovitch, c'est en fait un cycle naturel terrestre Hop. qui. A pour effet de créer des périodes de refroidissement et de réchauffement très cycliques, si tu veux, sur Terre. Pourquoi? Parce que, si tu veux, la Terre, non seulement elle tourne autour d'un axe, mais l'axe tourne autour aussi, comme une toupie, si tu veux. Et donc, finalement, on voit que depuis la nuit des temps, les périodes de glaciation et de réchauffement sont égales. Hein? Voilà. Les glaciations, réchauffement, glaciation. D'ailleurs, on voit que pendant les périodes de réchauffement, le taux de carbone y monte. Hein? Parce qu'il y a une activité, une phytoactivité, une activité des plantes qui la nuit, rejettent du carbone. Et alors, quand tout est glacé, il y en a moins. Voilà. Logique. Voilà. Et tout ça, c'est dû au carottage. On sait qu'en carottant dans l'épaule, en allant voir les bulles d'air, tu mesures et tout ça. Oui, Donc oui, tout oui. ça, c'est parfaitement scientifique et formulé. Donc, il y a une, comment on appelle ça, une variété, en fait, Une variation une de variation climat. des climats de façon systémique, en tout cas. Voilà, systématique et depuis que la Terre existe. D'accord. Hein, c'est-à-dire des périodes de réchauffement. On De sait, c'est réchauffement. combien de temps ces périodes elles sont, à peu près? La dernière glaciation dite de Wurm, elle a duré 40 000 ans. 40 000 ans. Ouais. Ah d'accord, c'est pas des petites périodes 40 000 alors. ans, tu cailles. Ah ouais, ça veut dire pendant 40 000 ans, il fait Voilà. froid, Il fait et froid. ensuite 40 000 Il ans, fait chaud. il fait chaud. Et Voilà. là, on est dans quoi là? Alors, on est dans le chaud. On est dans le chaud là en ce moment. Mais on va normalement. Alors, Ah, on est à la fin du cycle. Ou mince. le non, parce que la dernière glaciation de Wurm s'est terminée il y a moins 10 000. Oh bon, on a le temps alors, on a Oh, on a le 30 000 ans temps. encore. Oh bon, ça C'est pas va. la peine d'acheter des anoraks, On les sera mecs. plus là. On sera plus là. Et donc passe-moi la deuxième vue, Alors, tu la vois, la deuxième vue. glaciation de Wurm. Effectivement. La glaciation dite de Wurm, qui est la dernière glaciation. Alors, attends. Voilà, la deuxième. Hop. Alors là, je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de Non, là, schéma. c'est pas Bah, l'autre. c'est la L'autre deuxième vue, d'après, là. c'est quoi? Je monte les cycles. Il y a un truc avec des cycles. Alors, dis-moi, c'est quoi? La glaciation Tu vois, Wurm. là, la glaciation, tu laisses ça. Voilà. Donc on Alors, sait que une bon. façon Je remettrai les tout images, à hein. fait. Je le Tout précise à fait pour. naturel, il y a des cycles, glaciation, réchauffement, et Alors. au milieu des réchauffements, il y a des petits cycles de Alors, qu'est-ce que ça refroidissement. montre là pour nous dire, pour les Voilà. gens? On Alors voit, alors ça, c'est la on carte de voit, l'Europe. c'est la carte de l'Europe. En vert, c'est Il quoi? y a moins 30 000 ans. Moins 30 000 ans, ouais. En vert, ce sont les toundras. Les toundras? Les toundras. Voilà, parce que Mais il y en avait comme même en Afrique du Nord, ah attends. bah oui. Alors, si tu veux, ce qui existe. Au nord de la Russie, ça existait chez nous. C'est-à-dire, D'accord. tu avais au bord des glaciers qui prenaient toute l'Angleterre, tout le nord de la France, au bord des glaciers, des toundras. Hein, et puis, plus au sud, c'était des taïgas. Donc, c'était comme en Russie. D'accord. Voilà. Mais même Et. l'Afrique du Nord, donc c'était faux, c'était quoi? C'était gelé? Parce que là, la Méditerranée, elle est en Ah non, c'est pas toundra. gelé, c'est pas gelé, Bah, c'est c'est pas en gelé. toundra, la Méditerranée, là. Je le vois tout en vert, autour de la mer Adriatique, la Oui, Tunisie, la tout ça, côte de l'Espagne. c'était comme la Suisse, comme la Russie, quoi. Comme la C'était Russie. comme la Russie. Voilà. Extraordinaire, Et d'accord. donc, et c'est là, dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans l'espace franco-cantabrique, si tu veux, l'espace franco-cantabrique, c'est au coude du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l'Espagne, centré sur le Pays basque. Oui, d'accord. Donc c'est là où se trouvent toutes les grottes ornées, ce qu'on appelle les grottes ornées. Il y en a des centaines de grottes ornées, Alors, grotte ornée, définition. comme la grotte de Lascaux, Comme si la on grotte de est, Lascaux, c'est-à-dire voilà, des gens qui ont peint. qui ont peint Parce que, dans ouais, des grottes. Voilà. d'accord. Donc il y en a plein. Parce que Lascaux, c'est. Et Ouais. on va trouver la plupart des artefacts européens Ouais. du Paléolithique supérieur dans cet endroit. Des artefacts, c'est-à-dire Oui, des des objets. outils, des objets fabriqués par l'homme, et qui montrent, un, qu'il y avait une civilisation importante, et des artefacts identiques. Ce qui montre qu'il y avait communication, méthode transmise, hein, et Et là, tu parles à tort. Pour se situer, il y a moins je 40 000 parle, ans. non, là, oui, le paléolithique supérieur, c'est moins 30 000. Moins 30 000. Non, c'est pour En que tout gros, le monde suive. voilà. Moins 30 000 ans, à peu près. Moins Ok. 30 000, paléogrottes de Lascaux, l'homme de Cro-Magnon, tout c'est lui, l'homme de Cro-Magnon, il est habillé comme un esquimau. Autour, c'est avec que de la neige. C'est incroyable. Alors que c'est de la Dordogne, Bah Pierrot. oui, c'était que de la neige. Ils étaient dans la neige, dans le froid. Donc quoi, Hein? attends, même les animaux, tu veux dire quoi? Il y avait des Alors, caribous, il y avait des ces rennes. gens-là, ils vivaient sur le renne. Le renne, d'accord. C'était le renne était leur alimentation particulière, comme l'attestent tous les objets, les aiguilles, les os, et tout le bazar. Alors, évidemment, ils chassaient le mammouth, les nœuds, ils chassaient d'autres animaux, hein, mais ils vivaient essentiellement sur le renne. Et ce qu'il voit, il mangeait de la cueillette, alors il faisait pas de l'agriculture encore. Alors, bah bien sûr que non. Donc c'était des chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs, voilà. Ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs. Et le renne a une particularité. Le renne, Elle explique, ouais. il ne bouffe que de la toundra. Que du lichen, c'est Que ça? du lichen de la toundra. Et il ne bouffe que ça. Il ne peut pas bouffer autre chose. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux, tu peux voir dans les cultures du nord de l'Europe, les Lapons, les Nénètes, enfin tous ceux qui sont qui vivent au bord du cercle polaire, si tu veux, qui ont exactement aujourd'hui la même civilisation que nos ancêtres du Paléolithique supérieur de l'homme de Cro-Magnon. Ouais, d'ailleurs, Ils les... sont pareils. Ouais, d'accord. Hein, ils vivent dans des tipis avec Ouais. des peaux de renne, ils sont habillés pareil, ils sont habillés de peau de renne et qui cousent avec des os, etc. Des fois, sur le bord de la mer, ils chassent le phoque. Hein, ils vivent aussi comme les Esquimaux. D'accord. Voilà. Donc le phoque, le renne, ils vivent comme des peuples du Nord. Comme des peuples du Nord. Et je veux dire, physiquement, il ressemble à quoi? Hein? Il ressemble à quoi physiquement? Ah bah ça, j'en sais rien. Non, on ne sait pas. Non, mais je sais pas, il n'y Mais a pas eu de reproduction de cette époque, non? comment veux-tu? Bah, je sais pas, moi j'ai vu le premier anglais, c'était un noir, alors moi je me disais. Non, non. Ce sont des Homo sapiens. On sait d'après leur squelette. Ouais. Homo sapiens, donc ils sont comme nous. D'accord. Ils sont comme nous. Hein, ils sont strictement comme nous, dans la même cavité, etc. Mais Bah, Cro-Magnon n'est pas tout à fait comme nous, non, lui? non, non, il est tout à fait comme nous. C'est un Ah Homo bon? sapiens. Un Homo D'accord. sapiens. Voilà. Et ils ont pas loin des Néandertals. D'accord. Néandertal est un peu différent. Il est un peu différent, ouais. Il est Le un peu fameux différent. Néandertal, ouais. Néandertal. Bon, le Néandertal, il est plus balèze. Il a un volume, une boîte crânienne plus importante. Il va être plus intelligent. Mais il a un problème. C'est lui qui a du mal à se mouvoir, Non, non, il a du mal à parler. il a du mal à parler. Ouais. Voilà, parce qu'on a trouvé dans sa séquence génétique et au niveau de ce qu'on appelle le gène FOXP2, le gène de la parole, de l'expression, de la voix que ont les animaux qui font cuicui, ouah ouah et tout ça, le FOXP2, on a trouvé une légère différence d'un acide animé du gène de l'Homo sapiens. Ce qui fait qu'on en déduit qu'il avait du mal à s'exprimer et que cette difficulté à s'exprimer est attestée par ces artefacts. Ces artefacts sont toujours les mêmes, n'évoluent pas. Donc on voit qu'il devait avoir du mal à transmettre ses savoir-faire. En fait, c'est un espèce quoi de. Je suis méchant, mais un gros Golgoth un peu, c'est ça? Ah, il était surtout extrêmement balèze. Voilà, parce qu'il est balèze, Il est balèze, il te il fracasse n'est le pas crâne, con, mais par contre, c'est il n'est pas le pas roi con, il n'est pas de. idiot, Ah, il est pas idiot, mais il a du mal à mais il s'exprimer. peut pas parler, quoi. Mais C'est un genre de Chewbacca de. il a dû niquer des Homo sapiens femelles. Ah, parce que ça s'est mélangé, voilà. On Ça, sait, bah, ça parce atteste. que on a, nous, Des gènes des de gènes du Néandertal. Néandertal. Ouais. Alors il paraît, moi j'ai fait une émission ici Ouais. avec Hassan Occident et qui me disait que toutes les races avaient du Néandertal sauf les Africains. Ouais, les Africains n'en ont N'en pas. ont pas. Ah ouais, ils sont moins cons que nous. Ah, dis pas ça, tu vas te Mais faire des amis, des ennemis, c'est bien. les Asiatiques n'ont pas de Néandertal, mais ils ont les L'homme de gènes d'une autre, Morévin, alors c'est une ça. autre race. Voilà, on en a parlé aussi. Voilà On en a aussi. parlé Ouais, que et ouais. les Européens n'ont pas de traces de Ouais, ce tome-là non plus. non, Donc non, c'est non, intéressant non. de voir qu'il y a eu ces Ouais. échanges. Parce que D'accord. le Néandertal est typiquement européen. On D'accord. le trouve nulle Mais on le part. trouvait partout sur toute l'Europe actuelle, c'est-à-dire Ouais. toute l'Europe. Enfin, toute l'Europe, sauf dans la partie La glaciaire. partie glaciaire, parce La que ce que partie tu nous montres glaciaire, sur la photo, c'est voilà. que là, regarde, par exemple, ce que je vois moi sur la photo, c'est que l'espace blanc, en fait, c'était la banquise, c'est ça, c'était Ouais, c'est la carrément. Donc banquise. ça correspond quand même à la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, le Danemark, L'Angleterre, la Lituanie, ouais. l'Angleterre. Et puis les montagnes, hein, Voilà. aussi, les Donc en montagnes fait, les parties. qui produisaient des Ah glaciers bah oui, les importants. montagnes, les Alpes, etc., les Ouais. Pyrénées. Donc je veux dire, ce qui était vivable, entre guillemets, c'était justement le sud de la Voilà. France, quoi, entre guillemets, un petit peu plus, puis Voilà. l'Espagne, quoi. Nord de l'Espagne, ouais. Ouais. C'est là où on trouve ces fameuses grottes Parce que c'était un climat ornées. doux, finalement, par rapport au reste, quoi. Hein? C'est parce que le climat était plus doux que dans le Le, bah, reste et du au moins ils pouvaient continent. bouffer. Il y avait une toundra, il y avait des rennes, il y avait des animaux. Ouais. Là, au nord, il y avait peut-être Ah des bah, au ours nord, blancs, mais il y ouais. avait des phoques. Hein? Mais bon, ils pouvaient vivre sur les phoques. ça aussi, mais bon, ça aussi. Alors, voilà la base. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Vas-y, Alors, continue. Ce qu'on a trouvé l'image dans les d'après. grottes ornées. Alors là, c'est les rennes, là. Alors là, on voit les rennes. Alors, Ah, c'est donc, joli. cette civilisation-là, elle existe encore. C'est les fameux, tu dis, Les Lapons, Lapons, les les Inuits, Nenets, enfin, les Inuits sont plus au nord, hein. Ceux Ouais. qui vivent sur le Rennes. Ils vivent sur le Rennes. D'accord. Hein, Les enfin, Lapons, alors, petite Lapons et précision, les Nénettes, Lapons, ce sont des habitants, donc on en retrouve en c'est. Finlande, en Norvège, hein, c'est ça, et qui ressemblent Qu'on appelle le physiquement, Finnmark. voilà, physiquement, ils ont l'air d'Asiatiques, qui ressemblent à des. Non, non, c'est Ah des bon? Blancs. Les Lapons, c'est des biens Ils n'ont blancs. pas l'air d'être blancs, les Lapons. Non, c'est des Nénettes qui sont des Asiatiques. Ah, d'accord. Les Nénettes, en Russie. Parce que les. Non, mais même les Lapons, ils ont les yeux un peu bridés. Ouais, je sais pas. Un petit peu. Tu peux, bah, Un peut-être. petit peu. Une Ouais. petite goutte de chinois là-dedans. Non, mais. Petite goutte comment, d'Inuit. D'Inuit, Parce qu'ils voilà. sont pas loin des Parce Inuits. que, en plus, moi, écoute, ce que j'ai vu de ces Lapons, c'est que. Justement, les Européens, entre guillemets, les Vikings, ceux qu'on connaît plus blonds aux yeux bleus, en remontant justement de Scandinavie, ont chassé ces populations et c'est pour ça qu'elles se retrouvent au nord. Parce que justement, plus elles ont Alors, avancé, c'est vrai ou pas? on va aller Ben voir la suite. voilà. On va aller voir, on va t'expliquer pourquoi tu dis ça. Ben voilà. Alors ça, ce sont les signes. Alors ça, c'est Alors les ça, signes. c'est important parce Alors là, on a tous les signes là. il y a une chercheuse canadienne Alors, explique-nous qui d'où ça sort, ça. s'appelle, je sais plus comment. Oh putain, c'est Geneviève von, je sais pas quoi, enfin Ouais, importe. bon. Elle a passé sa vie, cette Et chercheuse celle qui a recueilli canadienne, ces elle signes-là. a trouvé les signes identiques dans toutes les grottes ornées. Ah, les fameuses grottes de Il l'espace franco-cantabrique. y en a Et des là, centaines. elle les a répertoriées. Tu veux Elle dire, et les a là, répertoriées, d'accord. 32 signes identiques. Identique. Ce qui indique quoi? Ce qui indique qu'il y avait une civilisation, Oui, qu'il y avait des échanges, oui, et que ces fameux signes avaient forcément un son. oui. Oui, un son et une signification. Un son et peut-être un logo, peut-être une signification. Ah bah, oui, C'était certainement, peut-être certainement. phonème et Ouais. logo, on ne sait pas. Comme Mais les lettres, ouais, c'est si on pas. veut les reproduire, il faut bien pouvoir les désigner. Oui, tout à Et il fait, oui. faut en trouver une signification. Une Oui. signification, peut-être chamanique, certainement religieuse, mais une signification. Voilà. Donc ça, on a retrouvé tout ça. Hein? Donc, c'est le début du verbe. C'est le début du verbe. C'est le Ouais. début du verbe. C'est le début du verbe. Mais le verbe forcément existait dans cette civilisation. Sinon, il n'y a pas de civilisation sans verbe. Il n'y a pas, disons, bah tiens, fais-moi mes bottes à ta bonne femme. Vas-y, tu vas coudre. Et puis fais les pointes de flèche. Et puis il y a tout un savoir-faire qui est attesté par les artefacts. Il y a même des sculptures que tu vois, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, hein, il y a énormément d'artefacts du Franco-Cantabrique, du Paléolithique supérieur, Ouais. et il y a la première sculpture de moins 30 000 ans qui est une tête de femme. D'accord. Hein, À première sculpture Saint-Germain-en-Laye, en pourquoi? os. Qu'est-ce que c'est? Hein, C'est un musée? C'est à quoi? Saint-Germain-en-Laye, C'est c'est le quoi? musée de la préhistoire. D'accord. Un On musée. voit la première sculpture, une tête de femme, avec une coiffure, une coiffure apprêtée, si D'accord. tu veux. Voilà. Donc, il y a une culture, il y a des gens et qui ont certainement une religion chamanique, comme les anciennes religions, hein, et qui ont certainement le culte des ancêtres, comme toutes les religions primitives. Alors, on va aller, on va On avance? si tu me laisses causer comme ça. Ah bah oui, Alors, non, alors là c'est alors, quoi? oui. Une carte de l'Europe. Alors, va plus loin, on revient en arrière. Là où il y a les flèches. Voilà, là on voit. Voilà. Bon, Bon, alors. on verra mieux dans la post-prod. Non, On dirait que vous voyez pas j'ai grand-chose. expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Moins 10 000 ans. Réchauffement climatique. Boum. Ah mais tant mieux. Mais Ça dégèle. il fait moins. Bah ouais, on se sent Ça mieux, quoi. dégèle. Ça dégèle. Que font les rennes? Je Bah te ils se barrent demande. dans le nord, Ah j'imagine. bah voilà. Ils cherchent le froid, ils cherchent le lichen. Ils bouffent que du lichen, ces Donc pauvres bêtes. ils suivent le lichen. Ils suivent le lichen. Ok. Que font les gens qui ne vivent que des rennes? Ah bah ils les suivent aussi. Ils suivent aussi. Donc Voilà. ils vont peupler l'Europe. Et voilà. Donc ils vont Tous ces gens-là vont établir des civilisations qui vont s'étager jusque dans cette fameuse hyperborée, jusqu'au bord du cercle arctique. Alors ça j'adore. C'est où il n'y a que là que les rennes peuvent bouffer, et qu'il n'y a que là que les mecs qui bouffent des rennes peuvent bouffer. Ah, ça c'est fantastique. Donc Eh ben oui, alors ça c'est la logique. C'est imparable. Hein? Et donc, donc les gens, donc il y a des, tu peux revenir en arrière, on voit des civilisations qui s'étagent, voilà, là tu vois, des diverses civilisations qui sont attestées par des artefacts, hein, particuliers, qui, à partir de la fin de la glaciation, vont s'étager jusque au nord de la Russie et du Finnmark. Le Finnmark, c'est la partie du nord de la Norvège-Finlande, si tu veux, le nord de la Norvège, le Tout le Finnmark. nord de la... Le Finnmark et le nord de la Russie, et qui va s'étendre très très loin, et qui est une civilisation attestée par des artefacts qu'on appelle les amphores peignées. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, Alors explique-nous un peu là, parce que c'est quoi on ne ces peut amphores? définir des civilisations préhistoriques que de par leurs artefacts. Alors, aucun moyen de le faire. Bon, franco-cantabrique, il y avait des grottes, ils pouvaient peindre dessus. Mais quand tu arrives dans un tout nord, il n'y a pas de grotte. Hein. Donc on estime que les gens devaient vivre comme maintenant, c'est-à-dire dans les tipis. Hein, dans les tipis. C'était une forme de tipi avec des peaux de renne autour. Donc ça laisse pas de traces. Donc toutes les traces qu'on a pu trouver, ce sont des poteries. Parce que ces gens-là fabriquaient des poteries. Hein, et ces poteries sont toutes faites de la même façon. Hein, elles ont des traces parallèles tout autour, comme faites avec un peigne. Donc, dans tout ce nord-là de la Russie, il y a là une civilisation qu'on appelle celle des amphores peignées. On l'appelle comme ça. En fort peigné, d'accord, oui, c'est marrant Donc, on sait qu'il y avait du peuple, il y avait du ça. monde. On retrouve leurs amphores, il y avait du monde. Hein, ouais. Et donc, c'est une civilisation qu'on peut dater, parce que tu peux facilement dater les amphores d'après une technologie de thermoluminescence, et de savoir quand on a cuit, à quelle date on a cuit la poterie, parce que, hein, à partir de la cuisson, il reste une thermoluminescence qui va décroître avec le temps. Bon. Donc on sait quand, et donc c'est une civilisation qui commence en gros à moins 7000 à peu près, jusqu'à moins 3000. Hein. Après, elle disparaît. Alors, mais cette civilisation revient aux flèches. Alors, on sait que c'est une civilisation du Nord. Elle est habituée au Nord, avec des gens qui, depuis des générations et des générations, sont habitués à vivre dans le froid. Hein? Ils ont vécu dans le froid, leurs grands-parents, arrière-grands-parents, depuis des lustres, et depuis des lustres, ils ont vu dans le ciel ces fameuses parélies, je sais pas si tu peux nous en montrer. Vas-y, les parélies, c'est plus. Voilà, celle-là. Ça, c'est magnifique. Alors, voilà. On s'y croirait. Ça, c'est ce qu'on voit parfois, mais assez souvent, quand le soleil se lève le matin, hein, et quand il fait très froid, et quand il y a une réflexion sur des cristaux de glace. Certains peuvent même la voir en montagne quand il fait très très, très froid. Hein. Parce que Cette là, on a parélie. l'impression qu'il y a trois soleils. C'est Voilà, une. trois soleils. Ouais. Voilà. Alors, D'ailleurs, tu c'est. vois que ça, c'est quand même, c'est mythique. Ah ouais. Parce que par la suite, dans toutes les civilisations européennes, comment les premiers signes solaires, c'est une croix. Toujours une croix. Hein. Voilà. Après, Donc c'est issu directement de ce phénomène-là. C'est une croix, et qu'est-ce qu'on a vu? On voit le soleil qui est un dieu. Le soleil, d'ailleurs, le dieu soleil, il va rester comme dieu très très longtemps, hein, jusqu'au Sol Invictus des Romains, hein, jusqu'à Jésus même. Et donc, il voit qu'il y a un soleil, mais il est en trois. Et donc là, ça c'est mon point de vue, va naître la trifonctionnalité de tous les dieux indo-européens. Tous les dieux Ah oui, indo-européens parce qu'il sont y a trifonctionnels. la fameuse trinité, alors, c'est Voilà, la ça? fameuse trinité, la trifonctionnalité chère à Georges Dumézil. Il a écrit des tonnes de bouquins que je me suis fadé sur la trifonctionnalité. Bon, la trifonctionnalité à la fois de chaque dieu, mais que d'une part, le dieu Démiurge, il y a toujours chez les Indo-Européens un dieu Démiurge, c'est un dieu créateur, hein, Jupiter, etc. Azura Mazda ou d'autres. Il y a toujours un dieu qui a créé le monde. Donc ce dieu Démiurge est toujours encadré par deux dieux ou un dieu double ou deux anges. Hein, puis au début, les dieux sont toujours jumeaux. Sont jumeaux. Hein, ce sont des doublés. Tu as souvent un bon, un mauvais. Mais ils ont la même fonctionnalité. La bonne fonctionnalité et la mauvaise. Mais c'est dieu double, c'est dieu jumeau. Alors évidemment, c'est pour étudier toute la mythologie indo-européenne. Oui, mais C'est parce un que la putain de boulot. Trinité, c'est un concept que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est très... Bon, à part les catholiques, bien sûr, parce qu'ils sont La adorent la Trinité, mais Trinité la est un Trinité... concept fondamental de notre Ah civilisation, oui? de toutes les civilisations indo-européennes. D'accord. C'est sur quoi ça repose? C'est quoi cette... Explique-nous. Tu Ça penses que repose c'est ce là-dessus. phénomène-là qui est Ouais. décrit dans la... Alors pourquoi? J'ai réexpliqué pourquoi. Alors d'abord, il faut dire, bon, les études indo-européennes, quand on a parlé, elles sont entachées. Elles ont été entachées par les nazis qui ont raconté un peu n'importe quoi sur les Indo-Européens. Ce qui fait que, si tu veux, les études indo-européennes sont instrumentées par les suprémacistes blancs pour dire, ben voilà, nous on est blancs parce qu'on est Indo-Européens, et sont aussi instrumentées par les anti-suprémacistes. C'est-à-dire que dès que tu dis que tu vas faire une étude sur la civilisation indo-européenne, tu as des gauchistes qui vont t'appeler fasciste. Qui vont me traiter de fasciste et Et compagnie. puis tu as les fascistes qui vont dire, ouais, c'est vachement bien, tout ça, c'est toute la mythologie. Mais si eux, ils sont basés surtout sur la mythologie nordique. Bon, ils ont essayé de bricoler des trucs qui la plupart du temps sont sans fondement, si tu veux. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on va aller plus loin, on va voir où s'est déroulée vas-y, va plus loin. Voilà. Voilà, les Indo-Européens. Voilà. Alors, explique-nous la carte là. En Voilà. orange, c'est quoi? Alors, c'est le foyer, l'euro, c'est le foyer indo-européen. Alors, dans la carte Ça part précédente, à on va l'est de la mer expliquer, Caspienne, on le va lac expliquer. Baïkal. Tu as en haut de ça, Ouais. tu as la civilisation des amphores peignées. Peignée. Oui, on l'a vu, celle qui est tout au Voilà. nord. Qui a un début, qui a une fin. Ouais. Et vraisemblablement, il y a dû y avoir un refroidissement climatique, parce que dans le cycle de Milankovitch, quand tu es dans le chaud, il y a du froid et du chaud. Hein. On sait que, par exemple, au XIIIe siècle, il faisait chaud, puis au XIVe, à partir du XIVe siècle, XVe, XVIe, Il a fait très froid, ouais, c'est il a ça. fait très froid. Mais on a un peu de mini période Donc, parce que le glaciaire. cycle de Milankovitch, il est complexe. Et cette civilisation disparaît en haut des amphores peignées et apparaît la civilisation de Yamna ou des Kourganes. Elle est bien répertoriée. On en a déjà parlé On des a déjà Kourganes. parlé de ça, oui. Hein, des Kourganes. C'est les fameux chasseurs, Ben c'est voilà, ça, alors ces gens-là éleveurs. sont des chasseurs. Alors autant, si tu veux, en haut, les amphores, sont encore des chasseurs-cueilleurs. Hein. Quand tu arrives au Kourgan, tu vois des éleveurs, Des chasseurs-éleveurs, on va dire, des voilà. chasseurs-éleveurs, parce qu'ils ont des tombes deux chefs, mâles, avec des armes, hein, des mecs costauds, et il y a des moutons, des animaux domestiques autour, si tu veux, Et ils qui ont viennent été. d'où pour les situer géographiquement, Eh c'est-à-dire? ben, ils viennent juste au nord de... Alors, là, tu Parce que vois moi, que... là, ce que je vois, c'est la mer Caspienne. Entre la mer Caspienne et la mer Noire. Et là, voilà, d'accord. Voilà, c'est les Cosaques, l'endroit des Cosaques, hein. Les Caucas, Des le Caucase, Cosaques quoi. au nord du Caucase et l'Ukraine, l'est d'Ukraine, c'est-à-dire l'est du D'accord. Dniepr. Voilà. Voilà, le Dniepr, parce qu'au-delà du Dniepr, on a déjà parlé, il y a une autre civilisation qui se développe, qui vient de l'agriculture. D'ailleurs, ils vont se chamailler pendant longtemps. C'est comme la guerre avec le Donbass, hein. Ben, elle a commencé Ouais. il y a 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, toutes les études, que ce soit génétique, linguistique, etc., attestent, là j'ai lu des trucs, personne ne contredit, le fait que le cœur de la civilisation indo-européenne, ce sont ces plaines, les plaines du Don. Hein, c'est le fleuve Don à côté, le domaine des Cosaques, En c'est gros, là, vers la mer voilà, c'est là où on Caspienne trouve le et la plus mer de Noire. tumulus, ce sont des tumuli, si tu veux, dans lesquels ils sont. Il y a un chef, Oui, tumulus, c'est une espèce de c'est un tertre, gros trottoir dans un lequel on tertre. enterre quelqu'un, quoi, c'est ça? Et puis on n'enterre qu'un mec, on n'enterre pas 50. Oui. Hein, et avec ces animaux domestiques. Et donc, on enterre le pater. On va revenir sur le mot pater. Le mot pater, ce terme-là, le même pater, tu le retrouves de l'Irlande à l'Indus. Oui, tout à fait. Pater, le même Pater. mot. Donc, le mot pater est venu de là. Oui, c'est marrant. Forcément, avant qu'il y ait dispersion. Parce que là, comme tu vois, ces peuples indo-européens se sont dispersés. Alors pourquoi ils se sont dispersés? Parce qu'ils étaient balèzes. Ils ont inventé la roue, ils avaient la roue, les chariots, ils avaient des chevaux, les autres n'avaient pas, si tu veux. Ils avaient des arcs et des flèches, les autres n'en avaient pas. Si tu veux, parce que c'est normal, ils chassaient. Donc, ils ont inventé des moyens de chasser plus efficacement qui sont des moyens guerriers. La chasse et la guerre, c'est Oui, pareil. bah oui, c'est un peu Voilà. pareil, hein. Tout La à fait. chasse et la guerre, c'est pareil. Donc, ils étaient beaucoup plus mobiles et plus agressifs que les autres, et ils ont développé une civilisation de guerriers mâles. Tu vois? Hein? Parce que dans les sépultures, c'est toujours des sépultures de mâles, de chefs. De pater. Voilà. Et donc, ils se sont facilement répandus chez les autres et ont été faire chier tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est clair. Et alors, ils ont rencontré plus ou moins de résistance. Ils ont été, alors, parmi donc les grandes. Alors, quand on va à l'ouest vers l'Europe, ils ont créé une autre civilisation qui a été créée, qui s'appelle celle des amphores globulaires, le long de la Baltique. Hein? Donc, ils se sont déplacés vers moins 2000 à peu près, quoi. À peu près. D'accord, à Hein? moins 2000. Ouais. Mais alors, il y avait déjà plein de civilisations déjà à l'époque, Ah, bah oui, parce que mais moins d'autres 2000, il y a civilisations. du monde déjà. Il y a Eh les ben, Chinois, bien ils sûr, existent, les il y a du monde. Sumériens, les Ouais, mais non, mais là, on Égyptiens. parle des Indo-Européens, on Ah, parle pas des autres. non, bien sûr, non, ce que je veux dire, c'est que c'était susceptible de rencontrer plein d'autres Mais ils en civilisations. ont rencontré plein, mais ils ont imposé à certains leur propre civilisation. Qu'ils ont imposé. Donc, Des genres il de n'y migrants, a quoi. pas de racialisme là-dedans, Non, parce que c'était des migrants, quoi. Ils venaient. non, mais des migrants costauds, qui se disaient, tu penses comme moi, Oh, tu penses ou comme moi ou je te décoche une flèche, je quoi. te Voilà. décoche une flèche, voilà. Voilà. C'est important, la flèche qui parle, hein, Ouais. parce que le son de la flèche, c'est aussi mythique. Ouais. Aujourd'hui, ils ont des opinels, c'est pas pareil. Hein? Mais bon, c'est pas. Non, je rigole Ah, pas. le son de la flèche, parce que la flèche d'Apollon, elle avait un son. Voilà. Bon. Et donc, ils vont rencontrer d'autres peuples, même des peuples qui sont déjà bien formés. Bah Alors, oui, parce que attends, en moins 2000, t'es en train de me dire que ces mecs-là, hein? ils étaient dans, entre guillemets, on sort du quoi, du néolithique, ils sont Non, encore ils sont avec des les flèches à voilà élever des machins, voilà et les alors autres ils grattent la terre, ils font de alors l'agriculture. qu'au même moment il y a des voilà des civilisations qui font l'agriculture, qui machin, qui sont vaches, Oui, qui sont hyper développées quoi. qui sont développés, mais ils n'ont pas les outils agressifs. Les premiers poignards en cuivre, c'est eux qui les avaient, si tu veux. Ils ont commencé à développer Ah, d'accord, c'était eux les plus énervés en voilà, fait, voilà, c'est ça. ils étaient les plus agressifs. Alors, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme civilisation? On va commencer par l'extrême-est. Ils rencontrent la civilisation de la vallée d'Indus, Ouais. hein, déjà fort développée, hein. Complètement, ouais. Hein, ils rencontrent. Alors, ils font un stage en Iran. Bah, ils vont Donc, c'est rencontrer les ce qu'on Sumériens, en appelle théorie. Alors, les Sumériens, ils sont... les Sumériens. Donc, ils créent une tribu qu'on appelle les Aryens. Hein, Ah, les les Aryens. Aryens. Alors, attends. On Les s'arrête Aryens. sur les Aryens, parce que ça, c'est fondamental, parce que ça va être après tout un dogme. Les Aryens, ça vient d'où? C'est quoi? Les Aryens, c'est une tribu iranienne. C'est des Iraniens. Voilà, c'est des Iraniens. Voilà, c'est des Iraniens. Rien Donc, à voir avec des c'est grands pas des grands noms. blonds vikings, alors? Mais C'est quoi non. ce mythe, alors? Mais non, mais Pourquoi non. Hitler, il s'en est inspiré? Enfin, j'en sais rien, Pourquoi je vais c'est pas devenu un interroger modèle? parce qu'ils connaissaient rien. Parce Mais que pourquoi les c'est. Germaniques, ils se sont dit d'un coup, bah, nous, on est des Aryens, parce qu'ils se définissaient Parce qu'ils eux-mêmes ont vaguement descendants d'Aryens. étudié, ils ont Bah, vaguement. ils étaient pas. Alors, par contre, ils étaient peut-être pas dans le faux en disant qu'ils étaient des descendants d'Aryens aussi, non? Puisque par rapport à ce que tu me dis de Non, cette civilisation les descendants ils d'Aryens, étaient pas dans le faux ce alors. sont les hindous. C'est la civilisation indo-aryenne, on dit. Hein. Mais L'Arya, pourquoi ils c'est ont. l'extrême-est. Mais pourquoi Les on. Aryens ne concernent absolument pas l'ouest de l'Europe. Là, mais il y a quelque Ils n'ont chose, moi, jamais que mis un pied chez nous. j'aimerais bien comprendre. C'est-à-dire que, comme ils se sont définis eux-mêmes comme Aryens, ça veut dire qu'ils avaient une spécificité quand même par rapport aux autres autour, non? On connaît C'est leur quoi? nom par le sanskrit. D'accord, mais pourquoi ils s'appelaient eux-mêmes les Aryens? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus, de Mais puis ça différent? s'appelait comme les Ouais, Anglais mais il y s'appelaient avait les une Grecs ou je différence. sais Ouais, pas mais il y a une quoi. différence. C'est pour que c'était quoi? C'était une différence Non, culturelle, une différence, génétique. non, mais culturelle, bien sûr. Ils avaient cette fameuse mythologie indo-européenne avec la religion qui va avec. On connaît les dieux aryens, hein? On connaît Mitra Varuna, etc. Tout le Panthéon. Parce qu'on connaît bien on connaît bien l'Est, on connaît bien la Grèce, on connaît mal les Gaulois et les autres Oui, parce ouais. qu'ils n'écrivaient pas. Et donc, et le premier texte sacré indo-européen, c'est un texte donc indo-iranien ou indien, écrit en sanskrit, qu'on appelle le Rig Veda. Le Rig Veda. Le Rig Veda, c'est le premier. Ce D'accord. sont On l'a des retrouvé où hymnes. ce texte? Il vient Ah ben d'où? parce qu'il a été retranscrit, retranscrit, D'accord. retranscrit, si tu veux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ce texte Alors, concrètement, un petit peu en résumé? le Rig Veda, il est complexe, hein, parce que, si tu veux, les Indiens d'aujourd'hui, du nord de l'Inde, ils croient encore en toute cette mythologie. Et, si tu veux, dans le Rig Veda, dans le premier hymne du Rig Veda, la première déesse qui s'appelle Vak, c'est la déesse de la parole. La déesse C'est de la marrant. parole. Et elle dit, moi, la parole, je suis à l'origine de toute chose. Yeah. C'est le premier texte fondateur indo-européen connu. Connu. Les autres, malheureusement, on ne les connaît pas. Tu vois? Hein? Ou ils sont moins anciens, si tu veux. Parce que, comme je le dis, dans la mythologie, il y a la mythologie et la théologie. Pour moi, mythologie, théologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que une théologie, c'est une mythologie qui est crue. C'est-à-dire qui est dogmatisée et Dogmatisé, dont ouais, on a on peut dire fabriqué ça une comme ça. religion. Donc D'accord. on l'appelle théologie. Mais en fait, c'est une mythologie. Quand elle n'est plus théologie, elle devient mythologie. Mythologie. Voilà, bon. Donc, dans la mythologie, théologie indienne, ça a la chance d'être la première écrite en sanskrit, si tu veux. C'est quand même un gros coup de bol, quoi, que ces gens-là l'aient écrit, parce que en sanskrit ancien, quoi. Tu vois? Et donc, ce qui est aussi intéressant dans cette mythologie théologique, c'est que déesse Vak, sa jumelle, c'est un fleuve. Je sais pas si tu peux passer Alors. les... Ouais, alors ça, c'est donc tous les peuples de culture indo-européenne, hein, de langue, De langue. voilà, Alors. de langue indo-européenne. Alors attends, c'est étonnant parce que un, en rouge, ce serait les germaniques. Or, j'observe évidemment que bon bah rien d'étonnant à ce qu'il y ait les Anglais et les Scandinaves, mais je vois qu'il y a une partie du côté. Ah non, indienne, neuf. D'accord. C'est pas les mêmes. Ouais, d'accord. C'est la même couleur, mais c'est pas les mêmes. Ok. Ouais. Non, j'allais m'étonner pour rien. Donc après, je vois Baltes, ils sont séparés des Slaves. Les Baltes sont Ouais. pas des Slaves, c'est ça? Bah ça c'est pareil. Si tu veux, les séparations sont par langue. Hein. Sans par langue. Voilà, il n'y a que comme ça que tu peux être séparation. C'est différents types de langues. Tu as les langues slaves, les langues germaniques, langues celtiques et langues latines. Hein, voilà, donc langue iranienne et langue indienne, le sanskrit, hein, l'indien ancien. Voilà, donc ça fait partie. Alors il y a eu les Hittites aussi, Oui, les fameux hittites, les fameux Hittites qui étaient dans la Turquie actuelle ouais. et qui avaient des rapports étroits avec les Égyptiens. Parce que dans la mythologie, théologie égyptienne, il y a Horus. Russe, oui. Horus, qui est aussi Le fameux qui fils est né d'une vierge. d'Osiris, oui, de Isis, non? Hein? Horus, c'est le fils d'Isis. C'est le fils, c'est ce qu'il doit être le fils du soleil Ben, il est de fils Ra. d'Isis, il me Ouais. semble. Enfin, Enfin, j'en sais rien, mais voilà, je me suis pas trop plongé parce que nous, on a plus ou moins rien à voir avec ça. Je me suis plongé dans les choses où on avait à voir et pas à voir parce que sinon, c'est une vie que tu passes. Hein. Mais toujours est-il que dans ces mythologies de ce coin-là, si tu veux, ceux qui sont nés d'une vierge, il Il y y en en a a pas pas mal. mal. Hein, Ouais. voilà, donc voilà, j'ai dit il y a Krishna. Krishna, c'est aussi Alors un dieu. Krishna, mais lui vient d'Inde, lui, en plus, ouais, c'est ça? Oui, Krishna, c'est un dieu indien. C'est un dieu dont la mythologie, théologie, se rapproche beaucoup de celle de Jésus. Donc c'est la même histoire que Jésus. Et la même fonction. Il est Il est bon, il né un fait des 25 miracles, décembre, il fait des il fait miracles, des il est miracles, gentil, tout le monde l'adore. il ressuscite les gens, il est gentil, tout le monde l'adore. Et puis son histoire aussi, il est enterré, il ressuscite, c'est pareil. Pareil Mitra, Mitra c'est pareil. Sauf que Mitra c'est iranien. Hein. Varuna Mitra au départ, c'est indo-iranien. Varuna Mitra, parce qu'au départ, ils vont par couple. Hein. Varuna Mitra, c'est donc la parole, c'est le contrat. Donc il est resté le dieu du contrat, même chez les Romains. Le contrat, donc le bon contrat, le mauvais contrat. Donc il y a toujours un aspect dialectique entre les deux, entre le bon et le méchant, quoi. Varuna Mitra, c'est le contrat, c'est la parole donnée. Et aussi, il restera dans la religion zoroastrienne comme donnant la parole de Ahura Mazda, du dieu créateur des Iraniens, hein, du dieu démiurge des Iraniens. Bon, alors, on reparlera de Mitra parce que c'est notre fil rouge, puisqu'on l'a jusqu'à maintenant. La statue de la liberté, c'est Mitra. Ah Donc, bah ça on en reparlera, on ouais, en on parlera. va le Voilà. montrer. Ah, c'est le dieu des francs-maçons, Ah bah je vois ça, oui, c'est... ou le mythe, pas le dieu, ils n'ont pas de dieu, mais ils ont le mythe des francs-maçons. Bon. Oui, alors, Vak, son double, c'est Saravasti, la déesse, vas-y, pousse plus loin. En fait, c'était le nom d'un fleuve, parce que, là, on reviendra, c'est Apollon. Apollon, voilà, ça c'est Saravasti, Elle? là plus loin. Non, à juste avant. Elle? Voilà. Avec sa Donc, harpe, sa avec guitare, sa harpe, la parce que cabra. l'harpe, la guitare, c'est l'harpe d'Apollon, D'Apollon, ouais. Mitra, Loug, D'accord. ils ont tous une harpe. Bon, elle, par contre, elle rigole Bald. pas. Elle fait de la harpe, Voilà, elle parce joue aux que. cartes, elle lance des bracelets, elle a quatre bras. Non, non, mais parce que ce sont tous des dieux de la parole, c'est des dieux de la poésie. Et c'est des dieux aussi de la musique. Musique, de la poésie. Parce que, si tu veux, la parole de Dieu s'exprime par des hymnes. par des hymnes qui sont des hymnes en vers, si tu veux, tu vois. Hein? Ouais. À la parole de Dieu, ça ne peut pas s'exprimer comme ça. Non. Voilà. Donc ça s'exprime avec de la musique, la parole de Dieu, hein? Quand même. Hein? Des chants grégoriens. Voilà. Oui, bah oui, c'est vrai. Ah ouais. Tu ne veux pas dire la parole de Dieu sans mettre de la musique autour. Donc ça, c'est Saravasti qui est le double de Vak. La parole, Vak, le premier qui dit, c'est moi, Vak, C'est moi la qui première, suis, voilà, la voilà, première. je suis au début de tout, je suis Et omnipotent. ça, c'est son double. Donc, Ben, ça, c'est ça. d'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah ouais. On a oublié Vak aujourd'hui et il reste Saravasti. Donc bon, pour les Iraniens, tu as donc Mitra, et puis cette fameuse religion, la première religion monothéiste, hein, qui est la religion de Azura Mazda, Oui. hein, le zoroastrisme, Oui. Zoroastre étant le prophète de cette religion. Et donc, Azura Mazda a deux anges, pareil, hein, donc une trinité. Et il y a 12 apôtres. Dans le zoroastrisme? Oui, il y a 12 apôtres. D'accord. Voilà. Ça ressemble tout ça à une autre Et religion, un tu des connais bien. anges intercesseurs est né le 25 décembre, D'accord. comme par hasard. Hein? Et donc, parce que le zoroastrisme, en plus, ça vient d'Iran. Hein. Ça vient d'Iran et c'est une religion qui existe encore. Hein. Oui, il y a encore des C'est zoroastres. encore. Et pour les musulmans, le zoroastrisme fait partie des religions du livre. Ah bon? Oui. Pourtant, ils ont été persécutés, semble-t-il, au Oui, moment de l'arrivée des musulmans en Perse. plus ou moins, Parce que beaucoup de pas trop, ils Perses sont se sont permis. enfuis, semble-t-il. Enfin, au fur et à mesure que l'islam s'est imposé, les Ouais, mais zoroastristes, là, ils les ont fait dégager. ils sont les chiites, les reconnaissent comme une religion du livre, comme D'accord. faisant partie des autres. La religion chiite, Oui, un peu différente aussi. elle est différente, hein, voilà. Elle est très très marquée par les religions, plus marquée par les religions ancestrales. C'est normal en Iran que le sunnisme. Ouais. C'est pour ça que les sunnistes, ils disent que les chiites, c'est pas des musulmans, Oui, quoi. pour eux, c'est pas des musulmans. Voilà, c'est Bon, pas des musulmans. Voilà. on s'en Donc, sortit. on arrive, si tu veux, dans une mythique commune, mais on voit bien que ces Indiens, que ces Iraniens ressemblent pas à des Suédois, quoi. Ouais. Alors, on voit bien. Donc, on voit bien que Bah, si c'est ces des Perses, c'est Ariens, des. ces Perses, ces Ariens perses, ne on parce que quand ces peuples sur leurs chevaux là, tu vois, avec leurs arcs qui tuaient tout le monde, ils sont arrivés en Iran, ils sont arrivés où il y avait du peuple, il y avait du monde, tu vois. Donc c'est eux qui ont imposé leur religion. Alors là où on connaît bien l'histoire aussi, c'est dans les Balkans. Dans les Balkans, on arrive à bien déterminer cette histoire-là. J'en avais déjà un peu parlé. Pourquoi dans les Alors, Balkans? Puisque. à moins 10 000, tu sais bien que c'est l'invention de l'agriculture. D'accord. Voilà. Et l'agriculture, pour nous, vient du croissant fertile, c'est l'agriculture du blé, hein, et remonte selon un axe sud-est-nord-ouest vers l'Europe, tu vois, au travers de. Donc, tu vois, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Les Les Balkans Balkans et l'Europe et occidentale. remonte vers le nord de l'Europe, l'agriculture. Et on peut voir la progression de l'agriculture par les poteries dans lesquelles on mettait le blé. Et donc les poteries qu'on peut dater en Et au thermoluminescence. fur et à mesure, on Donc tout retrouve des ça poteries à blé. est D'accord. parfaitement bien répertorié, attesté. Et d'autant plus que dans les Balkans, s'établit des civilisations bien particulières, si tu veux, parce que tu veux, les gens, ils avancent en clonant. Il y a un endroit où ils sont bien, comme ils ont cloné dans l'espace franco-cantabrique, et ils ont créé cette civilisation des grottes ornées, si tu veux, dans les Balkans, ils s'établissent. Et ils établissent des civilisations, donc tu connais très bien les pyramides De Bosnie. des Balkans, Ouais. hein? Ils établissent des forteresses, ils établissent des monuments. Hein? D'accord. Hein? C'est dans quel pays qu'il y a ces pyramides dans les Balkans? C'est Bah c'est en Bosnie, mais bon, en c'est Bosnie, ouais, en Bosnie, ouais. Ouais, c'est dans les Balkans, ouais. en Oui, Bosnie. voilà. Et donc, dans les Balkans, jusqu'à l'est du Dniepr, jusqu'à l'ouest du Dniepr actuel, s'établissent donc des civilisations. Certainement très très importantes, qu'on a appelées civilisations de l'Europe ancienne, D'accord. et qui sont des civilisations de l'agriculture. Et quelle est la particularité de ces civilisations? C'est qu'elles sont matriarcales. Alors comment on sait qu'elles sont matriarcales? Oui, comment on Un, sait? par les sépultures. Ce sont des sépultures collectives. Et d'autre part, par les déesses qu'ils ont modelées. Ces fameuses déesses obèses, tu vois, Oui, oui. ce sont que des déesses. Ils n'ont pas de dieu. Ces gens, ils n'ont pas de dieu. Ils ne reproduisent que des femmes. D'accord, donc ça nous indique que c'était matriarcal, forcément. On On déduit. suppose, on déduit. Déduit. Déduit, en tout cas, n'était pas patriarcal comme les autres qui mettent que des guerriers dans les tombes. Ouais. Qui mettent que des patères, hein, dans les tombes. Donc, c'est des matères. Hein. Bon, voilà. Et alors, on sait pourquoi. Parce que quand il crée de proche en proche des civilisations mixtes, donc je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'on n'en aurait pas fini, des civilisations mixtes indo-européennes basées sur l'agriculture, donc les indo-européens se mettent à l'agriculture et à l'élevage, tu vois, ce qui booste Oui, leur ils viennent les deux, civilisation, finalement. Ouais. voilà, hein, et aussi se mettent à construire des bâtiments. Parce qu'eux, ils ne savaient pas construire des bâtiments. Il n'y a pas de bâtiments, on ne voit pas. Ils vivaient dans des tentes ou dans des chariots. Mais par contre, les autres, dans les civilisations méditerranéennes, ils commencent à construire des bâtiments, des forteresses, des tas de trucs dont on a vu beaucoup des vestiges par avion, des forteresses énormes dans lesquelles ils se défendent contre ces gens-là qui viennent leur casser les pieds, quoi. Tu vois? Voilà, Je leur complètement. dis pas leur casser les couilles parce que c'est des bonnes femmes qui sont en avant. Alors, faut que je parle bien parce que des fois je Ouais, parle bah ouais, parce que c'est toi qui vas avoir des mal. problèmes. Voilà. Non. Alors, pourquoi matriarcal, patriarcal? Ah, expliquez. Les patriarcaux, c'est des chasseurs. Ouais. Qui dit chasseur? Dit guerrier. Ouais. Alors, parce que quand ils étaient chasseurs-cueilleurs, tu avais les chasseurs-cueilleurs, hein, avant, du temps des grottes ornées, tout ça, c'est papa pique et maman coude, non, c'était papa chasse et maman cueille. Oui. Papa chasse et maman cueille. Voilà, ils s'occupent des mômes. Et pendant qu'elle a le môme dans le dos, elle Ça cueille. peut que dire. Elle cueille. Voilà. Elle cueille. Et donc, il est tout à fait vraisemblable et logique que ce sont les femmes qui ont inventé l'agriculture. Les hommes, ils cueillaient pas, si tu veux. Oui, d'accord. Et Oui, au bout d'un moment, il y en a une petite plus donc, maligne qui a il dit, y en bah, a on une va petite planter maligne, la elle a laissé tomber ses grains, puis elle a laissé là, puis elle dit, oh merde, Ah, tiens, finalement, ça a ça a poussé. poussé, finalement, je me fais chier. On s'en fait chier, hop, on va mettre un lopin autour et on va. Et voilà. Et donc, les femmes ont inventé l'agriculture et les hommes ont inventé l'élevage. Oui, d'accord. Et comme on voit Parce que l'élevage, c'est dans le les prolongement de la Kourianes, chasse. Oui. dans les Kourianes, D'accord. hein, les éleveurs. Et on le voit dans les civilisations du sud des Balkans, parce que quand les autres, ils arrivent, c'est petit à petit, ils n'arrivent pas comme ça jusqu'au sud des Balkans. Hein. On sait que dans le sud des Balkans, s'est développé des civilisations matriarcale extrêmement importante, civilisation minoenne et civilisation crétoise. Civilisation crétoise, c'est la civilisation matriarcale la mieux répertoriée, connue, si tu veux. Hein. Donc, déesse, femme, cheftaine, femme, etc. Quoi, tu vois, D'accord. hein. Civilisation crétoise, donc matriarcale. Mais les Indo-Européens ont, eux, imposé, par la suite, leur mode de pensée, leur culture et leur religion, leur dieu, Oui, à tous ça, ces d'accord. gens-là. Ils ont dit, les femmes à la cuisine, occupez-vous de la cuisine, les gosses, c'est Bah nous. ouais, son dit était un peu gauchiste, C'est ces comme ça. civilisations de matriarcat. Voilà, c'est donc on est arrivé à nous. Non, on est arrivé à la civilisation. Oui, Ça vas-y. va? Oui, vas-y. On a combien de temps encore? Une bonne heure, puisqu'on a Voilà. commencé un peu en Alors, retard. Petite heure, on va il y a dire. le pater. Le pater, j'ai parlé tout à Ah, l'heure, il y a le pater. ce terme de pater qu'on retrouve dans tous les dans toutes les langues hein, européennes, pater. Ouais. Et ce mot-là, qui veut dire, il veut dire Dieu. Le Dieu, c'est le pater, D'accord. hein, qui veut dire prêtre, Prêtre, Dieu, et tout ça, qui veut dire chef, D'accord, grand je... chef, Grand chef. grand chef. Hein. Mais tu sais que mon nom, Patrick, vient de pater, donc je suis très Voilà. content quand tu me dis tout ça. Pater, et qui est aussi le chef de la tribu qui devient chez les Grecs et les Latins le pater familia. Oui, pater familial. Le pater familia, mais qui veut dire tout ça, mais pas du tout géniteur. D'accord. Donc il n'est pas géniteur. Il peut être géniteur, Mais c'est le grand chef avant tout. mais le mot pater, ils ont un autre mot pour géniteur, qui est d'ailleurs la racine géniteur, génitard, etc. quoi, qu'on retrouve aussi chez les Indiens, la même racine. Donc le pater est important. Les Celtes, ils ont le dispater, alors le dieu fondateur, dispater, ce qu'il y a à Saint-Denis, là, sous le tumulus, c'est le dispater, c'est le dieu des murs pour les Celtes, hein, le dispater. C'est marrant d'ailleurs que le mot pater, c'est father en anglais, ça se Father, ressemble beaucoup, father. Fater, Voilà, Vater en Padre, allemand, Padre, ça c'est et c'est père, la même racine en fait, pater. il y a toutes ces racines, y compris dans des langues, donc là on voit bien que c'est des langues indo-européennes justement, parce que là c'est pas entre de l'allemand et du français, c'est pas pareil. Ouais. Donc il y a une cellule familiale qui se crée, mais c'est une cellule tribale en fait, hein, parce que ces gens-là vivaient en tribu et en clan. Donc ils ont un clan, et dans chaque clan, il y a le culte des ancêtres, parce que les premières religions, toutes les religions, c'est le culte des ancêtres qui compte. Voilà. Les ancêtres, C'est extrêmement présent encore en Afrique, hein, ce culte des ancêtres. présent en Afrique, et c'est présent dans toutes les religions anciennes. Mais donc chez les Chinois, ils l'ont gardé. Le culte, ils ont toujours un autel du culte des ancêtres. Et donc, on connaît maintenant les religions védiques indiennes et les religions de paléo-grec, hein, paléo-grec. Alors, il y a un mec formidable qui décrit ça. Ce qu'il faut lire, c'est La Cité antique de Numa Denis Fustel de Coulanges, qui a écrit ça au milieu du 19e siècle, s'appelle La Cité antique. C'est le premier historien qui parle de la mythologie, qui associe histoire, mythologie et archéologie. Et il a fait un travail remarquable. C'est toujours un ouvrage fondamental, La Cité antique, où il décrit par le menu comment se constitue la religion domestique qui existe en Grèce comme elle existe en Inde. Donc il y a d'abord une religion domestique qui est une crypto-religion pour la famille. Elle ne doit pas être connue de l'extérieur. Et c'est une religion des ancêtres et qui est autour d'un autel où il y a un feu qu'on appelle le feu sacré. Le feu sacré, hein? Et qui est resté un peu dans le langage commun, le feu sacré. Et les Romains les appelleront les lars, c'est-à-dire l'esprit des ancêtres, et qui existe dans la propriété, parce que ces gens-là qui vivaient comme des nomades, arrivant dans les endroits où on exploite l'agriculture, se sont sédentarisés et ont mis leurs animaux dans les enclos. Avec la guerre, ils ont eu des esclaves Ouais, pour alors travailler. on m'indique que ça y met plus sur YouTube. Je sais pas ce qui se passe. Comment? Non, parce qu'il y a un souci dans l'émission. Mais bon, vas-y, on continue. De toute façon, ça tourne. Mais apparemment, le direct a coupé. C'est ce qu'on Le me. direct a coupé. Ouais, bon. Écoute, Bon. vas-y. Tant pis, tant pis. Bon, alors c'est comme ça. Et donc, cette rencontre des Indo-Européens et des peuples de l'agriculture a créé des États. L'État s'est créé de la sédentarisation de ces gens-là, si tu veux, hein. L'État est né de l'esclavage, de la création des cités, donc il a fallu une organisation. Et les organisations étatiques se sont fondées sur les clans, sur les religions. Et les cités, ou les groupes les plus importants, possédaient un ancêtre fondateur. Tu vois, un enfant de fondateur, Athènes, c'est Athéna, un ancêtre fondateur. Donc, on verra avec Saint-Denis comment tout ça, ça va s'arranger chez nous. Puisque, alors, donc. On va essayer d'aller plus loin et arriver vers l'Europe et vers la France. Donc, en Grèce, le dieu qui rapporte la parole du créateur, Jupiter, c'est Apollon. Apollon. Apollon, qui a la même fonctionnalité que Mithra, c'est-à-dire que c'est un dieu de lumière, qui deviendra solaire par la suite, comme Mithra. Mais il est d'abord un dieu lumineux. Il possède donc la parole, il a une harpe, il arrive à convaincre, et ces dieux-là ont toujours une arme fatale. Donc ils sont trifonctionnels. Hein? Ils ont la parole, ils ont le chant, la musique, et l'arme fatale. Hein, la parole qui sert à retransmettre la parole du Créateur. Pour Apollon, c'est au travers des oracles à Delphes. Hein, tu vois, à Delphes, les oracles, c'est là que Jupiter parle au travers d'Apollon et des Pythies. Des Pythies, c'est-à-dire des vierges. qui ont la capacité de se mettre en transe, toujours des vierges sont en transe. C'est la religion d'Apollon. Elle est proche d'une religion chamanique, hein, avec les transes. Donc c'est une religion très ancienne. Alors Apollon, comment il arrive? C'est extrêmement important le culte d'Apollon. C'est important, non pas par ce culte, c'est important parce qu'on connaît, si tu veux, au travers Homère, au travers des hymnes qui ont été faites et qui sont connus. Si tu veux, tu vois, les dieux celtiques et nordiques, on en connaît beaucoup moins. Encore que pour les celtiques, on pourra connaître au travers des sagas irlandaises retransmises par les moines. Hein? Bon. D'ailleurs, Apollon, il était Alors, Apollon. en représentation, je crois, tout à Ah, l'heure. voilà, Apollon. Voilà, Apollon, tu le vois sur son char. Alors, attends, tu vas nous dire c'est lequel, hein. Si je me. Voilà, c'est lui-là. Voilà. Voilà. Apollon est sur son char, donc on voit qu'il a. Il rayonne, Il hein. rayonne, Apollon, Et il est de lumière. Apollon rayonne, comme tout le monde, hein, comme tous les yeux, cette fonction, comme la statue de la liberté, comme Jésus, il rayonne. Voilà. Et donc, Apollon a une particularité qui nous intéresse parce que sa mère, Léta, est née en Hyperborée, selon les hymnes, elle est née en Hyperborée. Et Apollon vit en Hyperborée. D'abord, on appelle Apollon l'Hyperboréen. C'est son deuxième nom. Hein. Il vit là. Et il vit, d'après des légendes grecques, dans un endroit où le jour, il n'y a pas de nuit, si tu veux. Hein. Le jour dure tout le temps. Et donc, c'est réputé comme un lieu d'abondance, parce que dès qu'il naît sur l'île de Délos, l'île de Délos, c'est un rocher où il n'y a rien, il naît sur l'île de Délos, et il y a tout de suite des flots d'or, il y a de l'abondance qui arrive sur l'île de Délos, et cette abondance, elle vient d'où? Cette abondance, elle est apportée par des vierges qui viennent d'Hyperborée. Hein, ces vierges viennent d'Hyperborée et amènent l'abondance sur l'île de Délos. Mais ces vierges ne viennent pas directement d'Hyperborée et suivent des parcours différents, mais finalement, elles viennent des Sikhs. Des Sikhs, donc c'est une tribu qui a dans le en Ukraine actuelle, oui. Hein, c'est-à-dire où se trouvaient les Kourianes. Oui. Hein, et c'est les descendants directs des Indo-Européens, ceux qui sont restés, mmh. Hein, qui ne sont pas partis, ceux qui sont restés, c'est les Sikhs. D'accord. Tu vois. Et donc, l'Ukraine actuelle est connue par pour sa fertilité agricole et ses terres agricoles. Donc, il paraît logique que, si tu veux, cette abondance, cette fertilité soit amenée d'Hyperborée via les Sikhs. Alors, d'Hyperborée, où le soleil brille toujours, comment les Grecs pouvaient-ils savoir qu'il y avait un lieu où il y avait un lieu où le soleil pouvait briller? Il n'y avait pas de nuit. Ils ne pouvaient pas le savoir, ils n'y avaient jamais été. Ouais. Ils ne pouvaient le connaître que par des mythes. Des mythes, oui. Des mythes anciens. Mais des voyageurs, non? Hein? Des voyageurs. Ils n'étaient pas connus dans toute l'historiographie grecque des gens qui ont été voyagés jusque-là. Si tu veux, c'est quand même, il faut aller jusqu'au-delà du cercle polaire. Hein. Il faut aller très très loin pour voir ça. Donc, cette légende, elle est venue par ces gens qui sont partis du Franco-Cantabrique, qui sont partis en suivant les rennes, tu vois, hein, et après qui sont redescendus dans les plaines du Don. Comment veux-tu? C'est la logique. Moi, je suis la logique des choses. Ça veut dire que ces gens, après, en revenant, ils auraient expliqué, oui, on vient d'un endroit où le soleil se couche pas. Voilà. C'est, non, mais c'est pas, ils n'ont pas dit oui. C'est passé dans le mythe. Passé dans la religion. Si tu veux, c'est passé dans les mots. On dit un mot, une étymologie, un mythe, une histoire. Tu vois? Forcément. Hein? Donc derrière il y a l'histoire, donc l'histoire, donc dans l'idéologie, dans la civilisation, mm-hmm. tout ça c'est contenu dans les allants de soi, ce qu'on appelle les allants de soi, dans le vu et non remarqué, si tu veux, mm-hmm. hein. Dans les vus et non remarqué, c'est-à-dire c'est la façon dont on s'habille, je suis pas à poil, j'ai pas une plume dans le cul, mm-hmm. tu vois bien que je suis comme tout le monde, donc le matin, quand je m'habille, je vais pas m'habiller comme au 17e siècle. Je vais pas prendre une perruque, tu vois. Donc, la façon de s'habiller, par exemple, à l'ensoir, c'est dire bonjour, comment ça va, pour engager une conversation. Mmh. Tout ça, c'est du vu et non remarqué. Donc, le vu et non remarqué, c'est tout ce qui est embarqué dans la manière de communiquer qui n'est pas vu, tu vois. Personne ne sait que quand tu parles de ton paternel, tu parles du dieu, tu parles du chef, tu vois. Pourtant, tu sais que tu dois le respect à ton père, mais c'est tout. Mais tout ça, c'est embarqué à l'insu des gens, si tu veux, c'est cette mythologie. Hein? Pourquoi aujourd'hui tout le monde pense que dans le nord c'est mieux? Ah bah alors ça, c'est dans l'allant de soi. Bah pourquoi? Hein? Dis-le-moi. Bah non, parce que c'est parce que ça nous est resté. Au Moyen-Âge c'était important. Hein, au Moyen-Âge, je veux dire, les gens qui vivent en sud de l'Europe, c'est tous des pédales ou des voleurs. Donc c'est comme ça, quoi. Il y avait au Moyen-Âge le mythe du chevalier devait être blond, les nobles devaient être blonds aux yeux bleus, quoi, mm-hmm. si tu veux. Donc c'est resté dans la mythologie, ça. Chez les Anglo-Saxons, chez les Américains, chez les Suédois, il y a un mépris des gens qui vivent au Sud. Hein, tu le sens, ce mépris. Les Anglais, ils disent l'Afrique commence à Calais. Tu vois? C'est pas toi. Tu viens chez eux. Attends, quand tu vois Calais aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est resté. C'est resté, c'est-à-dire quoi, une espèce de. C'est vrai qu'on sait que les Allemands appellent les pays du Sud les pigs par rapport à la crise de l'euro. Donc Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Ouais. Il y a un mépris, c'est vrai. Voilà, quand tu fréquentes la Suède, moi j'ai fréquenté tous ces pays du Nord, tu sens vraiment le mépris du Sud. C'est perpétuel, tu vois. Hein. Voilà, moi Mais j'ai. c'est quoi? Parce qu'ils sont super civilisés, ils sont plus. Non, non, non, mais tout ça, Ah bah c'est quand même plus ça vient civilisé, des non? Irlandais, ils sont pas plus civilisés que nous. Non, mais non, mais non. Non, c'est pas plus Mais civilisé. non, certainement pas. Bah je sais pas, moi les Mais Suédois, non. enfin les nouveaux Suédois c'est autre chose, mais les anciens Suédois, ils paraissent assez civilisés, quoi, plus que des Grecs, non? Non, Non, pour tu baiser, il sais. faut qu'ils soient bourrés. Non, non, non. Ah Pour rire, il d'accord, faut qu'ils soient ouais. bourrés. S'ils sont pas bourrés, ils font rien. Ah ouais, d'accord, ouais. Non. Ils sont pas du tout civilisés. Bah, Non. ils sont un peu frustrés, quoi. C'est un peu les peuples du Nord. Non. Pour moi, la civilisation, c'est l'Italie. Hein. Ouais. C'est là où il y a la civilisation. C'est pas chez eux. Faut pas déconner quand même. Ou c'est chez nous. Mais voilà, c'est chez nous, c'est l'Italie. Tu vas à Florence ou Ouais. va à Oslo. Non, faut pas quand même. Bah c'est austère chez eux, il n'y a pas grand-chose. En même temps, Non, t'as il n'y a du pas hareng fumé, des grand-chose. pommes de terre, Voilà, bouffer du hareng. Tu bouffes du hareng, t'es malade. Alors tu bois des litres de bière parce que t'as filé soif et puis. Non, c'est pas. Non, ils sont pas civilisés du tout. Mais pourquoi ils sont abus, si tu veux. Moi, j'ai voyagé de Joensuu, là, du nord de la Finlande, dans un avion, dans un ATR-42, un avion franco-italien fabriqué en Italie. Donc on rentre là-dedans, dans l'avion, c'était une piste, c'était que de la neige avec le Suédois. Et puis, ah bah tiens, ça c'est un avion italien. Oh, l'avion italien, on va descendre, ça doit pas marcher. Tu vois, ils sont complètement cons, mais ils sont d'un racisme incroyable, quoi. D'accord, ah Alors ouais. quand il suffit de visiter, tu vas à Maranello, tu vas visiter les usines Ferrari, c'est extraordinaire, c'est un temple. Tu vois, Bah, tu surtout peux les bouffer Italiens, ça va, par niveau industrie, ils sont pas. Ben ouais, Ça non, va, mais c'est pas donc, des tu vois, rigolos. Donc, c'est un préjugé quand même, tu des veux dire. préjugés énormes, énormes, énormes, énormes, énormes, énormes. C'est marrant ça, ouais, d'accord. Non, non, Et c'est un peu dans tout le nord que tu retrouves ce mépris comme ça du sud, un peu. voilà, c'est toujours le mépris du mec qui est en dessous. Mais alors, en plus, en Europe, ça pose, c'est quoi? C'est plutôt les peuples donc germaniques, parce que finalement, c'est les Anglais, les Allemands, les Scandinaves, et puis au sud, bon, Bon, c'est enfin, les Latins, quoi. les Anglais sont pas très germaniques, hein. Ils sont un peu comme Bah, c'est des nous. Anglo-Saxons quand même, non? Des Enfin, Anglo un peu latinisés, mais anglo-saxons quand même. bien latinisé, parce que l'anglais, c'est la moitié du Ah oui, des mots français. français, c'est vrai. Bon, C'est des, c'est, bah, c'est des, les plus latinisés des anglo-saxons, quoi, les les anglais. plus latinisés, les anglo-saxons. Ouais. Voilà. Donc, on voit que cette mythologie est perdue. Et donc, on en revient à Apollon, dans toute la mythologie gréco-romaine, quoi. C'est l'homme du Nord, quoi. Apollon, il est blond aux yeux bleus, il vit en Hyperborée, tu vois. Ça rime Hein, bien, quoi. et il vit là-bas, et des fois, il vient à Delphes, tu vois, sur son char, il vient à Delphes, avec. Mais, non mais franchement, l'hyperborée, moi j'ai fait une émission ici avec Michel Desailly sur Ouais. cette précisément que sur l'hyperborée. Alors, c'est un mythe qui fait un peu rêver, quoi. C'est un espèce de continent, donc au nord de l'Europe, avec. On a retrouvé des cartes, on a retrouvé des représentations aussi. C'est très connu. Alors c'est marrant parce que tu me disais que ce mythe de l'hyperborée, enfin lui, c'est ce qu'il disait, pardon, Michel Desailly, que c'était quelque chose qui était justement très présent dans les pays germaniques. Beaucoup plus que chez nous. Oui, Que dans les pays germaniques, ils étaient à fond attachés à ce mythe de l'hyperborée, bien sûr, bien que sûr. c'était très très Enfin, présent. bien attaché, oui, Enfin, attaché, en tout cas, c'est présent, c'est c'est très très très présent, présent très chez les présent. Grecs aussi, Ouais. c'est très présent chez les Romains. C'est parce que peut-être que les nazis l'ont fait ressortir. Mais Apollon, c'est le dieu le plus important de la Grèce, et c'est lui qui perdure le plus longtemps, et il vient d'Hyperborée, si tu veux. Voilà. Et puis il va se mélanger avec Mitra, le dieu solaire, et il va se mélanger avec Loug, en Gaule. Loug, Loug, c'est quoi Loug? Je connais. Loug, Loug, Loug, c'est le même, c'est Dieu. Alors au lieu d'avoir l'arme fatale, il a une lance. Alors on va parler de la lance de Loug, si on a l'important, parce que il faudra parler du labarum de Constantin, et puis pour la France, de l'Oriflamme. L'oriflamme. Donc la lance de Louille, hein, sa lance qu'on lui apporte, d'où elle vient, la lance de Louille? Elle vient d'Hyperborée. Elle vient d'Hyperborée Ben bien encore. Bah, c'est sûr. génial. Parce que, Ben alors, parce que la oui. lance, C'est une lance il y aura spéciale, la il y a le fameuse fer lance. qui s'envoie tout seul et puis qui revient, tu vois. La lance de Louille vient d'Hyperborée. D'accord. Voilà. Et donc ça veut dire que parce qu'après il y a la fameuse lance, j'ai oublié le nom de celui qui tue Jésus là, Du avec sa lance. Christ? Oui, mais la. Oui, bah on l'a plus ou moins arrangé avec la lance, Voilà, une parce que. lance Parce que merveilleuse. c'est pareil, c'est un peu parce que c'est cette fameuse Oui, lance mais. que Hitler aussi recherchait pour de vrai, qui recherchait cette lance-là dont on parle, je me rappelle plus de quel saint là. Mais on sait que la lance de Luke vient d'Hyperborée parce que tout ça, c'est connu. Ces dieux celtiques qui ont été répertoriés par les moines irlandais. Donc, on connaît bien les sagas, toutes ces histoires. Les histoires de Lug, de sa mère, de son frère jumeau. Lug aussi avait un frère jumeau, si tu veux. C'était un dieu lumineux, dieu de la parole. Et donc, il avait, lui, son arme fatale, dont on va beaucoup parler, parce qu'il va rester très très longtemps chez nous, sous la forme de l'oriflamme de France, quoi. C'est la lance qui effraye à la vue, qui effraye l'adversaire, et c'est la lance qui parle, parce que toujours l'arme, elle parle, hein, comme l'arc d'Apollon parle, hein. Et donc, cette lance, elle parle parce qu'elle a un gonfanon qui claque au vent, sur lequel il y a des mots sacrés. Pour nous, c'est Saint-Denis et Montjoie. Saint-Denis-Montjoie, Voilà, Montjoie Saint-Denis. c'est la devise, ouais. Et donc, on va arriver à la, comment, au mélange d'Apollon et de Mithra, et à cette religion qui va être ramenée par les légionnaires romains en Gaule, surtout en Gaule, dans la partie ouest de l'Allemagne et en Gaule, qu'on va appeler le mithraïsme, et cette religion qui va devenir celle du sol invictus, du soleil invaincu. Hein? Et donc là, tu peux passer des trucs. Donc le soleil invaincu. Alors attends, parce que Donc il y a des images de différents dieux. alors Alors, donc là, on voit Apollon avec son arc. ah parce qu'il avait Son un arc arc qui aussi fait Apollon fatal, qui fait du bruit. tiens Hein? comme Et des dans l'Iliade, dans l'Iliade, les soldats d'Agamemnon, le charrie un peu, je ne sais pas, c'est l'histoire de l'Iliade, mais donc il va tuer les soldats d'Agamemnon, quoi, tu vois. Hein? Et à chaque fois, on entendra Le son de son arc, il y a un le son son de son arc. particulier, Ouais. d'accord. Donc là encore C'est le Apollon. son de la mort, ouais, Apollon. Puis Apollon, il est beau, hein, parce que c'est le dieu de la Ah beauté, oui, ça. il est forcément beau. C'est le dieu de la beauté. Ouais, c'est. Ah ça, c'est encore lui qui joue de la harpe, comme Voilà, là. là, il joue de l'harpe. Hein. Il est beau, il joue de Il est beau, il l'harpe, joue de la harpe, il envoie des il flèches, chante, mon dieu. et voilà. Il a Comme l'air. tous, comme Baldr, c'est des Scandinaves, Lug, tous pareils. Hein. Donc, ils Ah, sont. Et Mitra, pareil. c'est un genre de surhomme, hein, quand même. Ah bon, bah alors ça, c'est son équivalent qu'on avait Ça, tout à l'heure. voilà. Ça, c'est Alors, c'est Krishna. Krishna. On l'a. Krishna, toujours auréolé, si tu Toujours veux. en relais. Puis même son. Krishna, c'est la même histoire que Jésus-Christ. Ouais. Exactement la même. Hein. Voilà. Un peu bleu, quoi. Ouais. Ah, alors, qui Alors, c'est ça, ça? Et là, il y c'est a. Mithra. C'est Mithra. Donc, avec Mais un glaive et puis le une Mithra du flamme. mithraïsme. Hein. Alors, Mithra, lui, il a tué le taureau. Et du sang du taureau est née l'abondance. D'accord. L'abondance. Parce que tout ça, c'est des dieux qui apportent l'abondance. Ouais. Et aussi, c'est on a appelé le dieu des sources, ou c'est les dieux de la médecine, si tu veux. Voilà. Hein? Alors, D'accord. Mithra, qui est caractéristique, soit il est coiffé du bonnet phrygien. Est-ce que tu dis il, mais en fait, on sait, c'est un garçon, Mitra, alors. Ah oui, C'est des là, fois c'est un parce que là, il a garçon, un petit mais au zizi, là. début c'était une femme, mais il est devenu un D'accord. garçon. Un transgenre, quoi. Ouais, un transgenre. Bon. C'est un dieu transgenre. Bon, Ouais. d'accord. Parce que là, il a quand même une zigounette. Donc il a une arme fatale qui est son glaive. Ouais. Hein, lui c'est le glaive. Et il a la lumière du flambeau. La lumière du flambeau. Donc, il apporte Et il la rayonne. connaissance. C'est en gros la statue de la liberté. C'est ça. Ok. Hein, ouais. Ah, bah là, c'est Voilà, encore on plus voit flagrant, bien. là. On voit Alors là, c'est bien. Hein, flagrant. voilà. Ça, c'est Mitra. Ça, c'est Mitra, ça. Mitra. Il est très androgyne, sa tête. C'est vrai que. Très, très androgyne. C'est devenu, évidemment, Transgenre. un dieu du panthéon maçonnique. D'accord. Voilà. C'est un dieu du panthéon maçonnique, Du Mitra. panthéon maçonnique, Mitra. D'accord. Parce que Bah, la statue de la liberté étant un symbole la statue de la liberté, c'est Mitra, te casse pas. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller chercher. Voilà, et c'est en lien avec les maçons, puisque ce sont les francs-maçons de France qui vont offrir cette statue aux francs-maçons américains. Et on sait qu'à l'inauguration, le jour qui précède l'inauguration, il va y avoir à Ellis Island, là où on a construit la statue à New York, une cérémonie maçonnique avant l'introduction officielle, etc. Exactement. Voilà. Okay. Exactement. Donc l'histoire de Mitra est vraiment intéressante parce que Mitra va supplanter tous les autres dieux, et va faire le joint avec Jésus directement. Mais il y a un peu quand même une symbolique très forte là-dessus, parce que les États-Unis, quand on leur offre cette statue donc de Mitra qui apporte la lumière, donc la connaissance, etc. Les États-Unis vont être, faut quand même le dire, dans le XXe siècle, la nation qui va le plus briller, je sais pas si ça marche, mais on peut dire que ça a presque marché. Alors là, on pouvait pas faire mieux. Je t'offre la statue pour marquer le truc et le 20e siècle. Je t'offre la statue de Mitra. Mitra, on le connaît depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Bah justement, ils nous ont sorti des recettes. Il est pas né d'hier. Ah bah c'est dans les vieux. Oui, mais alors c'est marrant parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Alors pourquoi les Romains ils l'ont choisi comme dieu principal? Eh bah, ben eux aussi, ils ont tout. Mitra. Et les Romains. Alors donc on va passer rapidement à la saga de Constantin. Oui. Le bonnet phrygien, vite fait, ça aussi. Le bonnet phrygien, parce que Mitra est soit rayonne, soit est coiffé du bonnet phrygien. Donc les révolutionnaires français, eux aussi, vont s'inspirer c'est de Mitra. Incroyable. Non, donc... c'est pas les révolutionnaires, c'est les francs-maçons. Ouais, les francs-maçons. Pourquoi le bonnet? Il y a deux aspects. Il y en a qui disent, ceux qui veulent, les francs-maçons qui veulent pas te parler de Mitra, car tout le monde le sait. Ils disent que c'est le bonnet des esclaves affranchis à Rome, qui avait un bonnet spécial. Mais ça n'a rien à voir avec le bonnet phrygien, c'est un bonnet, tout simplement. Le bonnet phrygien, il a bien une forme particulière. Oui, tout à fait. Bon. Et puis, il y a eu le fameux bonnet rouge, pendant la Révolution, des galériens, si tu veux, qui ont été libérés, qui avaient un bonnet rouge. Oui. Hein, qui sont venus renforcer les troupes révolutionnaires. D'accord. Donc, il y a eu la mode du bonnet rouge. Donc, il y a la mode du bonnet rouge, qui n'est pas le bonnet phrygien. C'est pas le bonnet phrygien. C'est les francs-maçons qui ont inventé, qui ont transformé le bonnet rouge des révolutionnaires, qui n'étaient pas un bonnet phrygien, en bonnet phrygien, dans l'iconographie. Si tu veux. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Chez Marianne, c'est Mitra aussi. Marianne, c'est un homme ou une femme. De toute façon, Mitra, c'est un homme ou une femme. Si tu veux. Tu vois, la statue de la liberté, c'est une femme. Si tu veux. Donc, on s'en fout. Si tu veux. Hein, la liberté aux barricades, avec le drapeau de la croix. Voilà. C'est un peu Mitra. C'est le même mythe. C'est la même mythologie. Donc, Constantin, à l'époque de Constantin, il y avait trois empereurs. Et donc Constantin, lui, il avait une armée de Gaulois, de Celtes. Alors, Constantin, il avait déjà eu des contacts avec les druides. Alors, la religion des druides avait été interdite par les Romains, qui les avaient zigouillés et tout, mais c'est une religion extrêmement puissante, une crypto-religion, si tu veux, une religion quasiment maçonnique, comme les crypto-religions méconnues, et qui était restée importante. Et Constantin, il était très féru de ce type de religion, et qu'il faut dire que cette crypto-religion de Mitra existait chez les légionnaires romains qui avaient créé une espèce de maçonnerie qui ressemble à la maçonnerie aujourd'hui, avec des grades d'initiation, etc., et dont le dernier stade, le dernier grade, était le pater. Donc différents grades, différents trucs. Je comprends. Donc, donc, ils menaient cette religion dans les temples qu'on appelait des mitraum. Il y en a un mitraum là-dedans, ça se met dans des... un mitraum qu'on a retrouvé, il y en a plein en France. Mitraum, c'est quoi, un temple Un temple mitra maçonnique, crypto-religion. des légionnaires romains. Oui, parce que ça a l'air vieux, ça oui, ça oui, fait non, mais c'est la même. Cette crypto-religion des légionnaires romains, on ressent comme deux gouttes d'eau à la franc-maçonnerie. D'accord. Avec le même dieu Mitra. D'accord. Incroyable. Qui est passé, ce dieu Mitra a changé de nom et est devenu le soleil invaincu. D'accord. Sol Invictus, qui reste aussi Sol Invictus chez les maçons. Hein. Il existe encore les maçons. Ouais. Le soleil invaincu. Et le soleil invaincu, qui est devenu la religion officielle de Rome, déjà chez le prédécesseur de Constantin. Religion officielle à Rome. Donc on a commencé à ériger des temples à Rome en 200 avant Jésus-Christ, au soleil invaincu. Donc, Constantin était avait une armée de Gaulois, et il a été se faire initier dans cette crypto-religion par les druides à Saint-Denis, à l'endroit de la Montjoie. Marrant, Montjoie-Saint-Denis, à l'endroit de la Montjoie, où il y avait le plus beau temple du monde, selon ce qui a été rapporté par les textes, le plus beau temple du monde, qui était un temple à Apollon l'Hyperboréen, qui était monté sur un tertre, qui devait être un tertre d'un dispater, d'un fondateur, qui était donc à l'endroit même qui est au croisement de la rue de la Montjoie à Saint-Denis et de l'avenue du président Wilson. D'accord. Voilà. Bon. Et donc, là, les druides avaient toujours la lance de Loug, qui était la lance sacrée, qui gardait, qui était cachée, qui était leur signe, et ils offrent la lance de Loug à Constantin. Et de cette lance, Constantin en fait son labarum, c'est-à-dire son enseigne. Les armées romaines avaient une enseigne. Mais le mot labarum vient du gaulois labaré, qui veut dire parler. C'est-à-dire que c'est toujours cette idée de cette arme qui parle. Et il donne à Constantin un signe particulier que après les chrétiens ont, enfin les chrétiens ils ont tout caché, toutes ces conneries, parce que ils disent que Constantin a amené le christianisme à Rome, ce qui est faux. Il a permis à la religion chrétienne d'exister, il en a rien à foutre, lui. Son dieu c'était le soleil invaincu. Oui, parce qu'il paraît que Constantin se fait baptisé une fois mort, donc il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été baptisé. Voilà. Il était de la religion de celle-là. Là, oui, mais non, mais il n'a jamais été baptisé de son vivant. Ouais, apparemment, ouais. Il s'est fait baptiser une fois qu'il était mort, donc il s'en foutait complètement. Donc, il lui donne. Alors, vas-y, continue. Tu vois les pièces. Il lui donne un signe dont l'historienne Anne Lombard-Jourdan va plus loin. Désigne comme la croix, la Christa. Ah ben, là, on en a parlé de la Christa ici. Ah ben oui, mais c'est sûr que j'ai passé toutes les images, là. T'as dû l'oublier, non ? Merde, tu l'as pas ? Ah bah, ben, tu me l'as pas donné. Bon, je l'ai pas mis. Bah, c'est dommage. Alors, c'est quoi la croix Christée que certains ont pensé être un Christ, mais ça n'en est pas un, parce qu'elle a repris Anne Lombard-Jourdan la description qu'on en a faite quasiment de l'époque, des gens qui l'ont vu, et ça a été un peu raturé par les clercs après, et donc sa description donc montre une croix grecque surmontée d'un oméga renversé qu'on appelle la croix chrismée, si tu veux, tu vois. Alors, c'est marrant que je n'ai pas ça. Ah tiens, moi je l'ai. Ah, t'es sûr que tu ne l'as pas? Ah bah, je suis certain. Écoute, moi j'ai mis toutes les photos que tu m'as données. Non, en plus, je l'ai pas, elle n'y était pas, celle-là. Ouais, tu peux la montrer, si on peut la voir. Ouais, on la verra, ouais, je pense. Voilà, on voit la croix crismée. Alors ça, c'est un signe qu'on retrouve chez les Mérovingiens, qui est un signe norrisque, nordique, si tu veux, qui est le signe du soleil levant D'accord. dans les religions indo-européennes. Hein? Donc c'est ce signe qui est remis à Constantin comme signe magique. Pour lui, c'était la magie qui comptait, le signe magique des druides. Ils s'en foutaient du bon Dieu. De toute façon, le chrisme existe bien après cette histoire, si tu veux. Bien après qu'on a inventé le Christ, si tu veux, tu vois, avec la croix, le qui et le ro. Tu vois, qu'on a dit que c'était le signe de Constantin. Je t'en fous, c'est ce signe-là qu'il avait sur le bouclier de ses soldats gaulois et qu'il avait sur son labarum avec la lance de Loug. Alors la lance de Loug, on la connaît bien. Pourquoi on la connaît bien? Parce que cette lance, que Constantin a gardée, et ce sont les, elle a servi au comment, au, voilà, elle a servi au sacre des empereurs, aux empereurs germaniques. Et elle est conservée à Vienne, Elle est dans un conservée à musée. Vienne. Oui, parce qu'elle était à Voilà. Mayence même avant, ou je ne sais plus où, en Voilà. Allemagne, Donc cette lance de Loug, elle comporte donc un grand fer, comme toutes les lances de Loug, un grand fer qui devait luire au soleil. Et au milieu, il y a une arme double, qui est aussi une arme mythique, qui est une arme certainement de jet, si tu veux, qui est une arme sacrée, qui est à l'intérieur du fer de la lance. Tu vois? C'est-à-dire, attends, Bah, tu vois le fer de la lance, ouais. et à l'intérieur, tu vois Là cet où il y a les engin à trous, deux là, pointes. À deux pointes, tu vois? Il y a deux pointes. Tu vois? Hein? Ici, là. C'est une arme à deux pointes qui est à l'intérieur du fer de lance. d'accord. Ah, d'accord, il y a une pointe à l'intérieur du truc, quoi, Voilà, d'accord. une double pointe. D'accord, quel est l'intérêt de... Ah, parce que c'est une arme sacrée. Elle est doublement sacrée. Parce que cette arme est sacrée. Cette arme à deux pointes, elle est sacrée. Elle est sacrée. Voilà, c'est l'arme qui parle. L'arme qui parle que tu vas retrouver chez Jean. Jean, Saint-Jean. Dans le livre L'Apocalypse de Jean. D'accord. Dieu a une arme à double pointe, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme à double pointe. D'accord. Hein? Tu vois, c'est aussi un mythe extrêmement ancien de cette arme de jet qu'on devait lancer, si tu veux, tu vois, qui faisait du bruit, qui est une arme réputée tuer, si tu veux, être terrible. C'est une arme fatale. Voilà. D'accord. Une arme fatale. Là, donc on voit Jean qui est au pied de Dieu, de Jésus, et Jésus, sa parole, la parole de Jésus est représentée par ce Par type ce type d'arme de fatale. Voilà. Jean, c'est lui qui dit au début était le Verbe. Donc, on voit alors aussi que la Christa, comme on l'a dit ici, si tu veux, s'est transformée en fleur de lys. Oui, ça en plus c'est une vieille émission, je peux faire Voilà, une référence vieille qu'on avait fait à émission. l'époque, mais Hein, il y voilà. a un lien complet entre Et, la... voilà, parce que, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, la mythologie, c'est comme la comptine enfantine. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval de course, course à pied. Bon. Si tu dis j'en ai marre, bout de ficelle, tu comprends rien. Comme tu dis que quand tu veux comprendre un concept nouveau, il te faut un concept ancien, sinon tu ne comprends pas. Donc, les mythes s'emboîtent les uns dans les autres. Tu ne peux pas créer des mythes ex nihilo. Ça Oui, n'existe pas. Personne n'y croirait. oui, bah oui, c'est obligé qu'il... Personne n'y croirait. Donc, toute la religion christique est descriptible avant le premier siècle avant Jésus-Christ par tout le monde, si tu veux. Tu vois, c'est tous les mythes qui sont utilisés par le christianisme existent. C'est pour ça que je voulais parler d'une mythologie française, parce que cette histoire de Constantin, qui parle de Saint-Denis, qui va à Rome, permet au christianisme d'exister sans que lui se convertisse, et que son neveu Julien dit l'apostat, si tu veux, hein, il n'est pas du tout chrétien. Tu vois, on dit qu'il c'est un apostat, il n'a pas été apostat, il n'a pas été baptisé, Julien. Mais Julien, il n'en a rien à foutre du christianisme. Il a été élevé par des Grecs à la grecque sur les philosophes. On dit aussi Julien le philosophe. Il est féru de la Grèce antique et de la philosophie aristotélicienne et platonicienne. Donc il n'est pas du tout chrétien. Donc, et en plus, il vit à Paris, si tu veux, il vit au milieu des druides et des gaulois qui n'ont rien à foutre du christianisme. Voilà, donc voilà. Alors, on voit que tout ça s'est passé à deux pas d'ici. Et c'est ça qui est important. Et ça rentre dans notre mythologie française, la mythologie française qui commence avec Saint-Denis, avec la basilique de Saint-Denis et toute la mythologie qui est autour. Parce que c'est quand même marrant que sur ce lieu ancestral de la Montjoie, c'est là que vient Saint-Denis, qui on lui a coupé la tête à Montmartre, et il vient donc mourir à la Montjoie, et on l'emmène à Saint-Denis, dans une église de Saint-Denis, si tu veux, son corps. Et donc, Saint-Denis, c'est le saint de la France. C'est le saint de la France. Tu vois? Donc, il faut voir que dans le saint de la France, il est à deux pas du protège-pays, du Mont Jovi, du Dispater. C'est-à-dire que le Dispater, cet endroit-là, était connu par les écrits comme étant le centre de la Celtique, le centre de la Gaule. D'accord. Tu vois? Bon. Donc, c'est là où il y avait le plus beau temple du monde. Donc, tu vois, tout ça vient de très très loin. Et donc, on arrive à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, il y a l'abbé Sugère qui retranscrit toutes ces mythologies anciennes et qui les christianise. Il invente la fleur de lys de la Christa. Il invente l'oriflamme d'après le Labarum. Le Labarum, c'était des empereurs germaniques qui en avaient hérité. Donc eux, ils étaient intronisés avec cette lance de Constantin. Voilà. Donc lui, il dit, oh, ils ont ça, nous on va l'avoir. Donc lui, il invente l'Oriflamme de France. Hein, donc l'Oriflamme de France, quand le roi, il convoquait son hoste, donc il allait à Saint-Denis, il y avait un Te Deum, et l'évêque, lui, remettait une copie de l'Oriflamme, qui restait une copie de l'Oriflamme, et l'Oriflamme, où il y avait Montjoie Saint-Denis, donc c'était une lance avec une flamme rouge et or, si tu veux, qui devait claquer au vent, qui devait parler et qui disait Montjoie Saint-Denis, c'est-à-dire Montjoie Saint-Denis, c'est Mont Jovi protège pays et Saint-Denis, celui qui est venu mourir à cet endroit. Donc il y a une continuité dans la mythologie française à ce niveau-là. Mais ce n'est pas terminé. L'église de Saint-Denis, que tout le monde peut voir, La basilique. c'est la première qui a été construite selon la technique dite gothique. Oui. Alors, pourquoi on a inventé l'architecture gothique? On a inventé l'architecture gothique pour ça. Alors, par contre, ce que tu... Là, on va... Alors, voilà. Alors, les églises ont toujours un sens, sont le cœur a un sens est-ouest, Oui. hein, est-ouest, et donc c'est sous la forme d'une croix latine, est un transept avec une porte nord, une porte sud, et la porte principale est vers l'ouest. Et donc le cœur, ici, est vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil levant. Et donc le prêtre, lui, avant qu'ils annulent le catholicisme avec Vatican II, qu'une façon de dire, bon, on prend le catholicisme, on le fout par terre. C'est-à-dire, les mythes, les mythes chrétiens, ils n'existent plus, si ouais, tu veux. Ouais, hein, ils sont plus reconnus. Vatican II. Donc, le prêtre officiait face au soleil levant. Tu vois, hein, face à la lumière. Donc, il fallait que la lumière rentre. Donc, va faire des bâtiments où il n'y a plus de murs. Il n'y a plus de murs. Mais il faut qu'il n'y ait que des verrières. Eh ben, il fallait qu'ils se tordent la tête hein, pour monter des bâtiments que sur des colonnes. Ouais. Quand tu vas à Saint-Denis, si tu veux, l'intérieur de la basilique, la façade, elle est romane. Mmh. Mais l'intérieur, c'est du gothique rayonnant, ouais, qui est magnifique. C'est Pierre de Montreuil. C'est une des plus belles architectures d'église qui existe, l'intérieur. Hein. C'est celui qui a fait la Sainte-Chapelle, quoi. Tu vois, il n'y a que des verrières. Il n'y a que des verrières. Donc, il fallait que la lumière rentre. Tu vois? Alors, cette religion venant du passé de lumière, elle a été annihilée à la Renaissance. D'accord. À la Renaissance, on a terminé avec cette idéologie. Hein. Alors, on voit aussi, si tu veux, ce que représente à Saint-Denis la rosace de la Porte Nord. Ça, c'est la rosace de la Porte Nord de Saint-Denis. Voilà. Donc, on reconnaît les couleurs bleues et hyacinthe, qui sont les couleurs du soleil levant. Tout le monde voit que ça, c'est un signe solaire. Oui, ça, c'est un pour la peine de chercher très, très loin de cette rosace, mais que ces couleurs représentent la couleur même du soleil levant. Hein? Parce qu'il y avait ce fameux mythe du soleil levant. D'ailleurs, sur l'autel d'Assani, il y avait une Christa dans le temps. Hein, voilà. Et puis quand tu vas visiter la basilique, tu vas voir des tas de soleil tournant, de tricelles et de signes solaires. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Voilà. Donc il y a en France, Saint-Denis, c'est le cœur de la France. Oui. C'est le cœur mythique de la France. Hein. Il y a donc la continuité d'avec les religions qui datent de 10 000 ans. Bah, c'est un peu le propre du christianisme d'avoir absorbé toutes alors, les alors, on les, dit qu'il l'a absorbé. Il y a deux solutions. Ou il l'a absorbé, ou il vient directement. C'est-à-dire où bah, il vient directement de cette mythologie. C'est-à-dire que ce sont ces mythes. Il n'a même pas eu besoin de l'absorber, oui, puisqu'il en vient. En fait, il a ces mythes, oui. Ouais. Hein, il les porte déjà d'emblée, puisque Jésus, c'est Mithra, c'est Apollon, et c'est Baldre, et c'est Loug. Donc c'est un dieu lumineux, et qui apporte la parole. Alors, pour Jésus, c'est la parole d'évangile. La parole d'évangile qui doit être au cru. Ouais. Parce que dit... Vac dans le sanskrit, 1500 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Il dit qu'elle apporte la parole qui doit être crue. Ouais, c'est marrant, ouais. Qui doit être crue. Voilà, c'est la parole divine. La parole divine, elle ne doit pas se discuter. C'est la parole divine, elle doit être crue. C'est la parole vraie. Tu vois ? Donc c'est la parole d'évangile. Si tu veux. Donc, lumière et parole, c'est le christianisme, mais ce christianisme-là n'a pas eu besoin de s'adapter. Il est venu comme la suite logique du mithraïsme et du sol invictus, si tu veux. Hein, mais quand même, si tu veux, quand... bon, Julien, il en a rien à foutre, qui succède à Constantin, mais c'est Théodose qui succède à Julien. Mmh. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Théodose? Il interdit toutes les anciennes religions. Il dit, le christianisme, c'est la religion officielle de Rome, mais toutes les autres sont interdites, et qu'est-ce qu'il y a? Il va zigouiller tous les gens qui... Ah, tous les païens, enfin tous ceux tous qui les sont païens. Pas... Voilà, et les zigouilles. Ah, carrément. Ouais, carrément. D'accord. Et l'Empire romain s'écroule. Voilà, l'Empire romain, il va durer quoi, 80 ans après Théodose, hein. Terminé. Hein. D'accord. Voilà. Alors, parce qu'il faut dire que, quand même, les Gaulois, nos Gaulois, nos ancêtres, les Gaulois, ils en avaient un peu ras le fion des Romains. Et il y avait de plus en plus ce qu'ils appelaient des bagaudes. C'est quoi des bagaudes? Tu as entendu parler du bagad d'Alan Biway. Bagad, ça vient bagaude, c'est un terme celtique qui veut dire bande. Ah non, je ne connais pas. Et donc, il y avait de plus en plus ces bagaudes qui ravageaient. C'était que des soldats déserteurs, des légionnaires gaulois, des paysans, et tout ça, qui se mettaient en bande. D'accord. Et qui reprenaient des endroits complets, quoi, si tu veux. Ouais, une espèce de, libérés. De racailles mercenaires, quoi. Mais, ouais. Et quand les Francs sont arrivés, ils ont été accueillis en libérateurs. D'accord, pour dégager les racailles. Ouais, ouais, parce que les Francs, ils ramenaient la religion des ancêtres. La religion des Germains et des Celtes, c'était quasiment la même. Oui, mais bon, Clovis, il va finir par se faire le lien au catholicisme. Comment ? Clovis, il va se convertir au christianisme. Ouais, Clovis, alors bon, il y a la... Ça veut dire que ces Francs, ils vont se convertir à la fin, en fait. Oui, il va se convertir à une religion qui est pas loin de ce qu'il croit, quoi, si tu veux. C'est tout. Et puis, il se convertit... parce qu'il est adoubé par l'Empire romain, quoi, si tu veux, il devient le défenseur de l'Empire. Mmh. Mais il faut dire que la vie de Clovis n'a été rapportée que par Grégoire de Tours. Il y a une seule source, Grégoire de Tours, qui l'a écrit 300 ans après sa mort. Mmh. Et que lui, c'était un évêque, et il aurait pu tout arranger. D'accord, donc on ne sait même pas si tout ça est vrai ou pas. D'accord, c'est ce que tu avais dit dans l'émission. Clovis est rentré dans la mythologie royale française, si tu veux, c'est une mythologie, parce que la France n'existait pas, c'était le royaume franc. La France s'appelait la Gaule. Mmh. Hein, cet endroit, cet espace, est pendant très longtemps appelé la Gaule. Gallia, on voit ça sur les cartes. Voilà, sur les appelés la Gaule, et parce que il était le roi des Francs, il n'était pas le roi d'un endroit. Les Germains sont les rois des hommes. Mmh. Hein, les Alamans, tous les hommes, les Allemands, c'est tous les hommes. Mmh. Allemänner. À la main. Voilà. Et les Francs n'ont rien à foutre de territoire. Il était Rex Francorum, le roi des Francs. Donc il n'y avait pas de France. Alors, c'est déjà une nation civile, quoi. Même voilà, donc il n'y avait pas. Et donc le lieu, c'était. Alors, le lieu, c'est après France-Francia, qu'après le traité de Verdun en 843, où l'Empire franc de Charlemagne a été divisé en trois. Et là, on va trouver le mot Francia Occidentalis. Francia Occidentalis, voilà. Parce Francia que Occidentalis. Et le terme, donc, de Rex Francium, roi de France, le premier roi de France, c'est Saint-Louis, Louis IX, qui se fera appeler roi de France, Rex Francium. Voilà. Sinon, d'accord, tous les autres seront rois des Francs. Rex Francorum. Où il n'y a pas de territoire. Okay. Les Francs, c'est les hommes libres, c'est oui, les nobles. C'est ça. Les autres, les paysans, ils n'existent pas. Ils n'ont pas de statut. D'accord. Tu vois, bon. Alors, donc, à Rex Francium, à partir de Louis IX, il y a des gens qui habitent la France, et le sentiment national d'être français, d'être François, il est venu, comme on a parlé ici, de la guerre de Cent Ans, et c'est là que les Français se sont différenciés des Anglais. C'est-à-dire qu'il y a une nation française qui est née, quoi. Ouais. Hein? Il a fallu qu'ils se foutent sur la gueule des Anglais pour dire « nous, on est Français ». Alors, après la guerre des Cent Ans, les gens disaient « on est Français, tous Français hein ». Voilà. Donc, on n'appartient plus à un noble. Tous les nobles avaient été massacrés à Azincourt, donc il n'y en avait quasiment plus. Hein? Et donc, il y avait, à ce moment-là, des Français. On appelait vraiment des Français, des François. Des François. Voilà. On arrive à la fin, Alain, alors conclusion, parce que on arrive vraiment sur la fin, là. Oui, alors, la conclusion, c'est que, les mythes sont d'une importance capitale, et les religions aussi d'une importance capitale, parce que les dogmes permettent de connaître les mythes anciens. Oui. Et que il ne peut pas y avoir de mythe ni de religion à partir de rien. Tout vient d'autre chose. ça ne peut pas exister. Ceux qui disent, bon, il y a eu la Bible, et puis... Non, il n'y avait rien avant, pas, c'est rien tout avant. Un agrès. Impossible. Toutes les expériences d'hommes nouveaux n'ont jamais marché, que ce soit les nazis ou les soviétiques, ça n'existe pas. Non, attends, je vais faire mon avocat du diable, mais ouais. Il y en a bien un premier. Parce que d'accord, vas-y, on admet la Bible, il y avait autre chose avant, voilà, Mitra et compagnie. Ouais, ouais. Mais avant Mitra, avant Krishna, eux... Mais ils étaient là-bas dans le Nord, ils se fabriquaient leurs mythes, ouais, et avant ça... dans le Nord, ils étaient dans les grottes, la grotte de Lascaux. En toute logique, il y en a bien un qui est obligé de partir au début, qu'il y en a bien un. Non, mais c'est toujours, j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Il y en a un qui a dit, j'en ai marre. Ah bah voilà, ça a commencé là, il faut bien dire j'en ai marre. Ah bah il y en a bien qui commencent. Alors je t'ai dit, dans les grottes de Lascaux, il commençait à y avoir des signes. Mais avant, j'en sais rien. Ah donc c'est peut-être mieux de là, carrément. Je lis pas dans le bar de café. Donc ça voudrait dire, voilà, on peut dire que l'origine pourrait être très, très, très, très, très, très, forcément. Dès qu'il y a eu l'Homo sapiens, qui a été capable de transmettre la fabrication d'outils, donc il transmet une méthode. Donc pour transmettre une méthode, il faut parler. Si tu veux, la parole est devenue mythique à partir du moment où on a pu transmettre des méthodes à quelqu'un. Mmh, voilà, ce silex-là, voilà, tu fais comme ci, comme ci, comme ça, et voilà. Mmh. Tu vois? Et puis, de génération en génération, on a pu l'améliorer. Parce que les animaux arrivent à faire des outils. Oui, mais de génération en génération, ils ne l'améliorent pas, ils ne le transmettent pas. Mmh. Et donc, on voit bien que le propre de l'homme, c'est bien la parole. Qui éclaire, c'est bien le propre de l'homme. Donc cette parole qui éclaire, elle vient du fond des âges, parce qu'elle permet justement aux civilisations de s'élaborer par la transmission de ces fameuses méthodes. D'accord. Bah écoute, voilà. Intéressant de voir tous ces liens, hein, ça fera le on voilà, pourra... C'est dommage qu'on n'a plus personne qui nous écoute. Si, c'est revenu entre-temps. Ah bon ouais, c'est revenu. Voilà. Alors, il y a tout ça est devenu dans cette histoire de la croyance, et que cette croyance des uns et des autres n'existe que dans un bain sociologique, si tu veux. Hein. C'est là où je vais croire, en croire d'autres, parce que on partage des croyances communes, on partage des rites communs, il y a les rites, le rituel c'est de s'habiller, on a un rituel ostensible, comme je dis, le rituel doit être vu, si tu veux. Voilà, là, quand on va partir, on va se faire la bise, c'est un rituel, si tu veux, hein. Ostensible, c'est un signe d'amitié, donc qui fait que on peut partager quelque chose. Donc c'est tout ça a un caractère religieux, quoi. Tu vois. Moi, je suis un athée déiste. Je ne nie pas je crois pas. Je sais pas moi qui, si c'est Mitra, si c'est Krishna, si c'est Jésus, c'est machin. J'en sais rien. C'est un peu tout le monde, si tu veux. Hein. Mais je ne les méprise pas, tous ces gens-là. Ces gens-là apportent un mythe important, qui est le mythe de la parole lumineuse, qui est le fondement même de l'humanité. Donc je ne méprise ni Baal, ni Loug, ni machin, ni Mitra, ni Kedal. Et c'est pas étonnant que les francs-maçons ont pris Mitra comme emblème. Ouais, pourquoi c'est la meilleure? Ils parlent. C'est un transgenre. Ah, ils parlent. Les francs-maçons, ils parlent. Bon, et ils espèrent nous apporter la lumière. Et ils espèrent, comme Prométhée, ça va le finir, ça. Bah, merci, Alain, pour toutes ces explications. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Vous restez connectés. De toute façon, vous le serez sous peu. En attendant, forcément, si vous regardez un petit peu là ce soir, c'est que vous êtes certainement la résistance. Ciao, ciao, ciao.